no rush, no fuss, and me say everything right. Girl, you know me love you, me say bad, bad, bad. In a me ask me say me dread and you me have a with me. Hold you close, me girl, me can't get tired. Now leave me, me girl, because you know me would have mad. Pendant une heure, Tijo s'en mixe tes hits préférés sur Trace FM. Don't you know your love is so deep, and I'm wanting you, girl, missing you, wanting you, girl. Don't you know your love is one of a kind, and I'm wanting you, girl, missing you, wanting you, girl. Since you're gone, me got no one to lean on. The picture in my head is me and you holding on. Love under the cover with some sweet slow song. And I'm in his girlfriend, baby, and all your hand. With you like to be the wife of Brandon Young. Take your time and settle down because we are young. I don't like back and I like the confusion. Rushing to the end. I text the punk, the punk, your missus said that you want me. You want me, and it no matter what your man has said. Man, I say, cause you know, say that we are filling up one day. I take the punk, the punk, girl, me say that you want me, and it no matter what your man I say. Man, I say, cause you know, say that we are figuring together one day. Le before. Pendant une heure, Tijo s'en mixe tes hits préférés sur Trace FM. It's about that time. Émission dans 30 secondes. Aïe, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes. On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti! Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Comment ça va, Hugo? Ça va, et toi, Yannick? En pleine forme. Ouais. Ça va, Sab? Yes! Comment, le temps de réaction? Non, mais c'est surtout le temps qui vient d'arriver. Le mec est tellement. Le mec, il est à la bourre. Tu étais censé être prêt! On t'a dit. 5, 4, 3, 2, 1, antenne, tu es encore loin du micro comme ça? Je suis à côté standard, monsieur, parce que standard, il n'est pas là! Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Je sais pas. T'as pas pris tes médicaments, toi? Les gars, suppose que en train de se faire une supposition que monsieur TB! Oh, oh! Quoi? La CGT a fait sa rentrée! Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Ça va, calme-toi, détends-toi, ça va! Le standardiste nous fout dans la merde en étant en retard, t'es pas obligé de stresser tout le monde! Mais non, mais on va pas dire que je suis un couillon parce que je suis assis à sa place! Mais peut-être que tu n'es pas arrivé assez tôt pour anticiper le retard du standardiste. Et tout le monde est assis, y a personne qui se dit tiens je vais remplacer le standardiste. Non. Non. Non. Non, c'est ton job. C'est ton job, c'est comme ça. Mais Ticam derrière le standard, il est stagiaire, il doit savoir tout faire lui. Oui, mais le standardiste ne lui a pas encore montré comment ça marche. Ah, mais ils se font des câlins, tout ça, mais il lui a pas encore montré. Pas folle la guêpe en même temps, hein. J'ai envie de te dire que il a bien senti la menace, hein. Il se dit, il y a un stagiaire qui est là, putain, il sait se servir de la machine à café très très rapidement. Ça se trouve, il va me remplacer, me supplanter du côté du standard. Imagine que le gars s'est servi dans le téléphone. Ah, et puis c'en est fini, tu sais, on se demande toujours pourquoi on a des factures hallucinantes de téléphone. C'est parce que Keshi en fait il se paye en appelant toutes ses coquines sur le standard. Bref, il en a à Singapour. Il a une excuse ou pas? Il a expliqué un truc, il a prévenu d'un truc ou pas? Moi j'ai rien vu, mais quelqu'un a vu quelque chose de Keshi ou pas? La gastro a dû retomber. Non. Il y a des gens qui sont abonnés au Moi, gastro. Moi, je vais te dire un truc. Non, il y a des gens qui sont abonnés au gastro, d'accord. Mais à un moment ou à un autre, Keshi, lui, c'est clair qu'il est... Enfin, ça se voit, quoi. Ça se voit que tous les aliments, même quand ils sont abîmés, ne cherchent pas à quitter son corps. Ils sont trop bien, ils sont trop... C'est du recyclage interne. Voilà, ils sont trop à l'aise. Donc, ça les intéresse pas de bouger d'un autre endroit, quoi. Ah là là, Lilou, ça va? Très bien, et toi? Bon, t'as pas de nouvelles de notre standardiste. Toujours Vous allez pas. Me dire qu'on démarre l'émission, on sait pas où est notre standardiste. Tijo! T'es pas censé le savoir? Il est où? Tu sais pas où il est? Ah bah, venez ici, hein. Bah viens, on l'appelle. Pour faire quoi? Bah pour lui demander pourquoi il est pas là à l'heure. Moi j'adore ce genre de raisonnement, tu sais, genre le mec il est pas à son poste. Bonsoir, salut. C'est pour avoir une information. Le mec s'est déjà mis dans le caca en donnant pas d'excuses, quoi. Ça se fait pas! Ça se fait pas, t'arrives en retard et tout. Imagine qu'on fasse l'inverse, ok? Imagine une seule seconde que simplement les collègues, les patrons s'unissent pour dire « Y'en a marre de ce manque de respect permanent !» Ça, c'est la Ligue des patrons. C'est la Ligue des patrons. Comment on appellerait ça? Le LKP. Ah non, ça fait l'INH contre patron, c'est pas bon. Mais la Ligue des patrons, pas content. LDP, quoi. El paquet. El paquet, c'est pas mal. El paquet. Tu sais, ça fait genre t'as un truc devant, là. El paquet. Non, mais il est où? Tout le monde rigole, mais personne ne sait, en fait. Non. Il a prévenu. En fait, j'ai l'impression... Le dernier message qu'il envoyait, c'était par rapport à une moto. J'ai l'impression que, en fait, la génération 9-7 cette année, chaque semaine, on perd un co-animateur ou un collègue. On passe 3-4 jours à le chercher. Et je suis en train de se gratter les couilles quelque part, ailleurs, dans un autre pays, quoi. Le mec, il a entendu parler d'une dépression qui devenait peut-être un ouragan, qui machin, etc. Le mec s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais aller dans un pays où c'est civilisé, même les tempêtes nous respectent. Le seul qui ne risque rien en cas d'ouragan. Franchement, honnêtement, vous savez quoi? Si vous sentez un peu dans l'effervescence là des préparatifs de cette alors c'est quoi? C'est un ouragan, ça y est, c'est devenu officiellement un ouragan ou pas? Oui. Il paraît. Putain, ça va chier les bulles. Il paraît que ça passe entre le sud de la Martinique, la Dominique et que forcément ben la Guadeloupe va être impactée également avec les pluies. Et les îles du Nord aussi. Et donc, où est Keshi? Alors qu'on a besoin de lui. Parce que si vous êtes à côté de Keshi, en cas de tempête, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous accrocher à lui, être protégé. Il est considéré comme un abri, non seulement bah, contre les tempêtes, mais également contre les explosions nucléaires. Il fait rempart de son corps, Keshi. Il a envoyé plein de messages dans le groupe, là. Et il a dit quoi? Vas-y. Bah, ce sont des messages audio. Bon ben, fais péter, donne-moi. Je sais pas, j'ose pas, on sait jamais. Peut-être que c'est très personnel. On va voir, moi je m'en fous, je balance. De toute façon, le truc est clair, entre 19 et 22 heures des Antilles, entre 20h et 23h de Guyane, on est d'accord, Hugo, on vit notre vie en direct, ok? Ouais. Alors, attends, ils sont où les audios? Ils sont envoyés où? Dans le groupe G97. Ben non, mais je te promets que non, je l'ai pas. Moi, Un petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt, il envoie... Et personne s'est rendu compte. Un petit peu plus tôt, c'est bon, c'était il y a 9 minutes, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends. C'était un petit retard, fallait que je barricade la maison, que je range la moto sur le balcon, enfin, faire la moto descendre des escaliers, etc. Enfin, hein? Mais nous, on n'a même pas fait tout ça. Hein. Bah ouais, mais après, il est prévenant, hein, Keshi. Un retard de 1 ou 2 minutes. Un retard de 1 ou 2 minutes. 19h07 aux Antilles, 20h07 en Guyane, ce n'est donc plus 2 minutes, mais 7 minutes de retard. Ah là là. Bref, on en parle un petit peu du mauvais temps qui se prépare, hashtag G97, hashtag Trace FM. Est-ce que parmi vous, y a des gens qui sont en train d'attendre un petit peu de faire, comment ça s'appelle? Ah, comment on appelle ça, tu sais, quand tu... Des courses de première nécessité. Ouais, courses de première nécessité. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont sortis du supermarché avec des caddies, avec une vingtaine de packs d'eau. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est pas première nécessité. Hein. C'est bon, on l'a ? Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Ici Yannick Milon, représentant de la Ligue pour les patrons ou pour les patrons pas contents, le LPPK. Monsieur Keshi, il a été constaté ce jour, mardi 27 septembre, 19h08 aux Antilles, 21h08 en Guyane, que vous n'êtes pas à votre poste. Quelle est votre excuse? J'ai dû préparer la maison par rapport à l'événement quand même. Mais nous, on n'a même pas fait ça. Ben ouais. Tu trouves ça normal? Bref. Écoutez, j'habite dans une cabane, faut tout barricader. Hein. Oui, mais alors... Alors j'aime autant te dire que t'as simplement réuni les trucs au bon endroit pour que la tempête ou l'ouragan puisse le balayer en fait. Parce que si t'habites dans une cabane, mec, ça sert à rien de rentrer les trucs à l'intérieur, hein, frangin. La case en tôle, là, ça va pas tenir le coup, hein. Bref, t'es là dans combien de temps, mec? Je suis devant la porte. Il se fout de ma gueule. Il est devant la porte. Il est devant la porte. Il se fout de ma gueule. Vas-y, ouvre la porte, nous allons vérifier, évidemment, ses dires. Passe-partout, combien de clés? Combien de clés passe-partout? C'est toi Lilou, passe-partout. Ah non, non, non, c'est Nessie. Je vais près de la porte, je vais vérifier ça moi-même. Allez, c'est parti. En live. Parce que attention, maintenant nous avons 300 mètres carrés. 3-4 étages, je crois, dans l'immeuble. Il n'y a aucun Keshi là. Et bon, preuve, il y a un mec qui est en train de manger un poulet frit. Je suis sûr qu'un poulet frit serait plus là si Keshi était là. Alors. Bonsoir monsieur, vous pouvez témoigner que Keshi n'est pas présent? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, salut. Il parle comme Hugo, le mec. Mais Hugo est en face de moi, c'est comme ça que je comprends que c'est pas Hugo. Ou alors il a un frère jumeau de voix. Allô? Je sais pas, allô? Est-ce que Keshi est dans les parages? Keshavan, Calvérac, pour donner tout son pédigré, s'il vous plaît. Nous sommes à la recherche de notre standardiste. Je sais pas, là, je sais pas s'il est sur la route ou s'il est pas encore arrivé, mais c'est chaud, là. Donc, il nous couillonne. Il nous couillonne. Ah, non! Ah merde, Sabri s'est fait couillonner. En fait, il était dans le réfectoire. Non mais et le gars est en train de manger au calme pendant que tu poses des questions. Non mais Sabri, c'est n'importe quoi. Sabri, oui. Sabri, rentre au bercail, ça sert plus à rien. Rentre au bercail, ça sert plus à rien. Okay, rentre au bercail. Il va comprendre pourquoi. Sabri va se rendre compte qu'il s'est tapé les deux étages pour rien. En plus que je suis le seul à avoir en fait véritablement la clé de l'ascenseur. Lui, il est obligé de se taper l'escalier. Voilà. T'as fait ça pour rien. Il est là. Ouais, Keshi, Keshi. Alors par contre, je ne m'explique pas comment Keshi a pu monter plus vite que toi l'escalier. Et t'échapper, quand même. Franchement, honnêtement, c'est incroyable, quoi. T'as raté Keshi, quoi. Ça va, t'as moins chaud? Tu étais où? Bah, en bas. En bas? Oui, en bas. Je suis faisais en bas. Je montais. Du siècle. Vous voulez qu'on vous laisse les gars? Hein? Il faut qu'il reprenne son souffle déjà. Bon, je suis là, en fait. Est-ce que la maison est sécurisée, Keshi? Presque. Lors de cette épreuve d'immunité, vous avez tenté de sécuriser votre maison. Mais en délaissant la tribu avec laquelle vous avez démarré l'aventure. Cette équipe vous en veut aujourd'hui. Est-ce que vous avez ramené du riz? Oui. Est-ce que vous avez ramené des packs d'eau? Oui. Pour toute la tribu? Oui. Est-ce que vous avez ramené de quoi prendre un petit déjeuner demain matin quand visiblement on ne pourra presque peut-être plus sortir de chez nous? Les œufs, bacon, céréales. Ah, j'ai une question. Est-ce que ces denrées alimentaires sont en dehors de votre corps? Ah oui, parce que sinon on peut pas consommer. La moitié, oui. Contre toute attente, dans Traslanta, Keshi n'a pas agi uniquement pour lui et uniquement pour sa propre personne. Visiblement, sa stratégie profite au groupe. On peut l'applaudir alors? Ouais. Faut peut-être pas exagérer quand même. On va se lâcher un peu de son histoire de s'ambiancer. On a plein de choses à faire ce soir. Un petit topo sur le sommaire de la soirée. Dans un petit instant, il y aura évidemment du Hey Baby Hello. Il y aura du cocoteur aussi. Ouais, un petit peu plus tard, on va appeler les mâles cochons sur internet. N'oubliez pas, si vous avez un discutable talent qui traîne et personne n'est au courant, bah, exposez-le au grand public, débarquez au 0800 22 103 200. Et si un truc vous tracasse, n'hésitez pas. Évidemment, votre place, elle est sur Trace FM. Yes, I. Évidemment, c'est là que ça se passe. On se lâche un petit poplane. Free up. Yes, Tijo, et lui, il est là. Hein. Ça fait un moment qu'il attend de lâcher le son. Tu nous as niqué l'intro, mec. Tu nous as niqué l'intro, mec. Mais on a bien rattrapé l'intro. Hein, non, non, on n'a rien rattrapé du tout, mec. C'est du temps perdu, frère. C'est pas du temps perdu. On va pas courir après. Non, mais en plus, tu continues. En plus, tu continues. Pour mon frère qui l'a joué la frio, mon badon pas mi frio. Mon rêve c'est mettre le vel à tout de ton petit topic la radio cabaye ton des points plein de gaffe. Pour mon frère qui l'a joué la frio, dans la pompe frio. Mon rêve c'est mettre le vel à tout de ton petit topic la radio cabaye ton des points plein de gaffe. Sarah bah rendez-vous centre pénitentiaire. Si même à nous semi-liberté, permission, on suise et maudit, rien nous pas fait. Surtout là, y'a talon pour pousser. C'est bête à la capable au maltais. En format de baïa carré dissopie. Surtout l'on va guest tu pour la tête. En camane j'ai tiré. Babylon les lacs mia. Out qui passe elle si veille autant fuck up. A pas ici qui yo que jeune la drogue. Passe à rien qui ganja qui mon gasmac. Babylon. Yo tiens mes mots, Kéroun pomme. Mon marijuana fait garde à vue, mon val de petit personne en plus. Il y a ta fireball, il a posé tout stress et pas mon inspiration en plus. Tout côté, yo font la street. Oui, y'a un seul goût d'y pain. Différentes provenances pour ta convenance. J'aime la high grade et pas le foin. Ça brûle au réveil et toujours un avant de me coucher. J'enroule toute la journée. La journée dans le studio, c'est un rythme du tout chaque game. I different, lui, t'es enchaîné. So, Babylon les lacs mia. Route plus facile, qui veille autant de fuck up. A pas ici qui yo qui j'en a pas. Pas à rien qui donne déjà qui mon gasma. The music turned up. Pack me things to a church mother. Feel like you put on your new top. Now let me give you some nice dance wine. Call me Earl and not alkaline. If that pussy a good one more time. One more time. One more time. Time. Why every time when you think give me the pussy, give me the pussy, me a feel fight ya. Why every time when me tell yourself you take your jaws off, we a feel a feel lighter. Why me time before we do it? Me have to remind you why me like ya. Now you're different, I'm a older wife ya. Move you wanna make me slide inside ya. Give me some good, good fuck. Lights the music, turned up. Back me things you a church me a got. Feel like you put on your name tag. Let me give you some nice, nice wine. Call me Earl and not alkaline. If the pussy on Unclear.

lèvres. On va direct, direct, direct. Non, mais c'est la vie. Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Guadeloupe première et Trace. En partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcmfdominica.com et sur www.discoverdominica.com. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Mercury Beach Hit 2016. La compilation des plus gros hits de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psyche. Chico. Machel Montano. Bungie Carly. Mercury Beach Hit 2016. Disponible en digital partout. Avec Caribbean, Rockers Island et Trace. Trace FM. Génération 97. Génération 97. La libre antenne des auditeurs. Merci d'être avec nous dans Génération 97. Mada, Guada, Yana, on revient dans un petit instant avec. Il y aura du canular, il y aura peut-être du discutable talent aussi, et puis il y aura les breaking news tout à l'heure. Ouais, il y a pas mal de choses à dire dans les breaking news. On parlera du cyclone, on parlera du mauvais temps donc qui se prépare. On parlera également de Kalash. Grosse news à propos de Kalash. Ouais. Hashtag G97, hashtag Trace FM. D'ici là, c'est Real Mix dans la Real Talk Radio. On se démarre un petit Yogi et on revient juste après. Maman, il n'y a pas d'intro sur ton son en fait. DJ Tijo Sound. Il démarre directement comme ça. Il n'y a pas un petit tup tup tup tup tup au début. Bah bah bah bah. Maman, tu dis tic tic tic tic. Boulop. Non, ça démarre comme ça. Tic tic tic tic. Attends, stop, deux petites secondes. Tu l'as pris où ton tuc tuc tuc, Yannick? Non mais c'est... Mais il y a... Les gars, on a le son aussi à la radio. Le son, il y a une intro quoi. Oui, mais lui, c'est un DJ, frère. Non, mais lui, c'est surtout YouTube. Il a pris la version clip tout de suite. Non? Je mens? Tu démarres pas comme tu ça. Tu es sûr? Moi, non. Tu veux vraiment? YouTube, il y a forcément toute l'intro, là, de... Tu veux vraiment qu'on vérifie, les gars? Vas-y, fais écouter Yannick. Ok, alors attends. Le son, il démarre en vrai, comme ça. It's your boy. Ok. Moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais non, il y a un effet d'aspiration au début, ça fait... Ouais. Et le gars il va chanter pendant 3 minutes, tu le laisses pas respirer en fait, prendre son souffle avant la chanson. T'as écouté ? C'est un chanteur, il peut faire ça en apnée. Voilà. Là c'est bon, c'est oui, pas ce que t'as fait d'ailleurs. Là on est en règle avec la SACEM, je te remercie. C'est quoi ? On revient dans un petit instant dans Génération F7, la radio est libre. Baby girl, I got billions. Oh yeah, give me chance, make you chop deep. I should do the Akaida. She said the old club on fire. We a body big like Bombardier. A body big like Bombardier. She say she no want no Wahala. She no want no Wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, shut up, she don't give me time.

Tu vois, quand tu le taquines un peu, il commence à avoir la langue sale. C'est ouais. Exactement. On est en train de te préparer au cocoteur, en fait, Hugo. Ouais. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Leïla, t'es là pour du canular. Explique-nous, c'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux piéger? Ben avant on avait fait une blague, on lui avait fait une blague avant, etc. avec Bobby. Et comme par hasard, il y a un mec qui la suit, etc. et qui lui a demandé des trucs. Et ben exactement, on veut continuer sur la même lancée. Alors, qui a fait une blague auparavant? Moi. Ok, donc vous avez travaillé le terrain avec tes copines en fait de votre côté. Exact. Donc nous, on récupère le bébé maintenant. Ok. Alors, récapitule-moi simplement ce qui s'est passé avant. Vous faites croire à votre copine qu'il y a un mec qui est un peu dingue, en fait, genre un psychopathe, quoi. Voilà, mais c'est... Non, c'est en réalité, en fait. Mais là, je veux... Alors, c'est vraiment, alors, ce qui est cool, c'est que ça donne une autre dimension au canular. C'est que s'il y a un peu de réalité dedans, en fait, ça pourrait être cool. Parce que s'il y a vraiment un psychopathe dans l'histoire, on lui fait la blague du psychopathe, et si ça se termine mal, eh ben, ça fera d'autant plus de enfin, je sais pas, d'audience. Tu pars d'un truc vrai. Tu pars d'un vrai. Il y a un vrai mec en fait qui harcèle ta copine, c'est ça? Oui, ma cousine. Et ce mec-là n'est pas votre complice en fait. C'est vraiment non. D'accord. Et nous on va se faire passer pour ce mec-là, sauf que on va désamorcer le truc à un moment ou à un autre en lui annonçant que c'est un canular. Sauf que l'autre mec sera toujours dans la nature. Oh, merde. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est pas grave, elle va avoir un peu encore plus. C'est bien. Si tu te dis que c'est bien. Sauf qu'elle risque de croire que la deuxième fois c'est une blague aussi. Non, voilà. On va bien lui dire que l'autre c'est pas nous. Si on a le temps de l'appeler c'est et de la prévenir. Ah donc t'as des amis psychopathes. Mais il est psychopathe à quel point? C'est un ami à un pote à moi en fait. Attends, excuse-moi, il y a eu trois questions en même temps, ma chérie. Réponds à la question du coup. Ben, attends, repose la question, vraiment, oui, parce que là, j'ai compris. Ouais, repose la question, Hugo. C'est un psychopathe à quel point? Ah, aujourd'hui, il lui a senti... je te surveille depuis petite. D'accord. Et donc, toi, tu as des amis qui sont psychopathes et qui appellent tes autres amis. C'est normal. Ouais, mais non, j'ai pas dit qu'il les appelle. Il passe par moi, en fait. Il passe par toi pour harceler tes amis. Il est dangereux ou pas ce mec? J'arrive pas à évaluer en fait. Il est pas dangereux. Non, okay. Dans tous les cas en fait, c'est quelqu'un de pas dangereux. Que ce soit nous à un moment ou à un autre, en fait, le but du jeu c'est simplement de faire flipper ta cousine en fait. Exact. Ok. Ok. Quelqu'un a attrapé un bout pour faire le canular, un angle? On lui lâche un Mathieu Zalem? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Allez, c'est pas mal ça. Ouais. C'est parti, on va composer le moi, numéro de téléphone. Sabri, il fait très bien le pervers. Non, oui, non, mais de toute façon, c'est, il fait pas. C'est, il est. C'est la quintessence même du personnage. C'est lui qui a inventé. D'ailleurs, dans la plupart des films de psychopathes ou de pervers, on s'inspire du vrai personnage dans la vraie vie de Sabri pour écrire le rôle. Tout à fait. C'est exactement. Il a des coups de fil en permanence de Hollywood. Salut. Alors, je voudrais faire Freddy le retour. Est-ce que t'es disponible pour qu'on discute? Tu sais, tous les films d'horreur, tu sais, tous les trucs qui tombent Vendredi 13, les souviens-toi l'été dernier, eh ben c'était les vacances de Sabri en Californie. Tous ces films là, Scream par exemple, eh ben effectivement Sabri aime beaucoup les ice cream. Enfin bon bref, ça va trop loin. Ça va trop loin. Ouais, c'était un peu nul ça. Ouais, je veux dire, tu prends des risques. Hein. On a des gens à saluer sur le web, on va saluer Little Mum qui nous rejoint, le temps qu'on se mette en place, qu'on récupère toutes les informations à propos de ta cousine. Tu bouges pas, tu raccroches pas ma belle, on vient dans un instant avec toi. Coucou également à Julie. Et puis tu as tous les autres, tu as Didi 973 qui est sur Snapchat. Non mais t'as pas vu Laurie toi. Ah oui, il y a Laurie. Ouais. Salut Laurie. Salut. On a Juju Sandrine également qui est connectée. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820-203-200. D'ici là, on vous rappelle qu'il y a de la question ouf ce soir. On cherche. Pourquoi le vêtement salopette s'appelle ainsi? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle salopette? Pourquoi on l'a pas appelé autrement? C'est une question qu'on ne s'était vraiment pas posée auparavant. C'est vrai. Mais du coup, qui maintenant, il devient urgent d'avoir la réponse. Alors, y a une étymologie, tu sais, genre quand on décompose le mot, il y a des origines dedans. Oui, on va s'intéresser quand même à la racine du mot. Est-ce oui. que c'est pas parce que les gens qui portaient ça étaient de petite nature à une époque? Non. Hein? Petite vertu, non. Ouais, c'est ça, c'est petite vertu qu'on dit. Ouais. C'est genre les gens pas recommandables, tu sais, genre les chatawalpas de l'époque. Pas tu du sais. Tout. Et puis, c'est pas genre, très sexy, hein, genre, une salopette. Ça dépend, peut-être qu'à l'époque, tu vois, justement, aujourd'hui, ne rien. Les filles de joie portaient des salopettes, ok. Par exemple, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle une salopette. Moi, je tente Ah ouais, mais c'est pas pratique pour les prostituées, les salopettes. Non, c'est vrai. Mais bon, apparemment, Yannick trouve ça sexy. Moi, les gars, j'ai tenté un truc. Ok. Oui, c'est vrai. C'est quoi ta contribution? C'est voilà. Ça la question que je te pose. Il a dit qu'il aime les Portugais. 0800 22 100 300. Pourquoi les Portugais? Les Portugais qui font le ciment. Quel rapport? Ils portent la salopette. Attends, bouge pas. Je crois que ça y est, c'est bon. On a un jingle pour les Portugais. Et donc quel rapport? J'ai fini la maison. Et quel rapport en fait? Je porte une salopette. Obrigada. Je comprends pas comment en fait dans sa tête il y a deux fils qui ont pu se toucher pour arriver à cette vanne. Et toi tu trouvais tout à l'heure ma vanne super nulle, mais ça c'est encore plus loin. Tu préfères pas ma vanne? Moi je suis en Suisse. Le silence qui parle de lui-même. 0820 203 200. On vous rappelle la question con ce soir. Pourquoi la salopette s'appelle-t-elle la salopette? On attend vos réponses, il y a des cadeaux à gagner. 0820 203 200. On a des places de ciné notamment pour l'avant-première du film signé La pièce. Watibé. Ouais, ce sera mercredi 12 octobre. On a les pop-corns, les boissons qui vont avec. Faut guetter le signal. Et sinon tu as des places de ciné normales. Tu as aussi des places pour Tarus Riley à la ferme Perrine le 30 septembre. Allez, lâche-moi du son un petit peu. Ambiance-moi, secoue notre corps, machin, etc. On revient avec du canular qui se prépare également dans Génération 97. À tout de suite. Y'a filé. Nous quand y flex quand nos business là nous katakine. Y'a qu'à patiner, c'est mais c'est qu'à fatiguer. Nous quand y fait quand nous fait quand. Fait y'aura patiné, y'a tout les fait quand y'a. Fait quand y'a. Ouh, chayon baya qu'on y'a t'es disant Inch'Allah. T'as peu la puissance, t'as petit pas en quoi y'a t'es assorti t'as là. Dis nous, puis nous. avancé. Check ça, yo pas pensé, nous moins nous avancé. Mais dis-moi ce qu'ils feront. Mais dis-moi ce qu'ils vont faire. Ils sauront jamais me faire taire. Dans une poignée de secondes, on reviendra également sur les breaking news, évidemment un peu axé autour de ce gros mauvais temps qui va nous arriver dessus. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200, également sur le net www.trace.fm. Qu'est-ce qui concerne la Martinique et la Guadeloupe, où on en est? On est en vigilance en orange, effectivement. Dans les deux cas. Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est que les écoles sont fermées demain. Ouais. Ça va arranger certains. Ça, alors, ça concerne la Martinique, la Guadeloupe. Les deux, oui. Ouais, les deux. Et laissez-moi retrouver ça. Je vous donne des nouvelles de Météo France. Oui. Alors. J'adore d'ici, en fait. On sent que vraiment, c'est le flash info breaking news, tu sais. La feuille, elle l'a même pas encore dans les mains. Elle attend que le météorologue la lui ramène, tu sais. Alors, la Guadeloupe placée en vigilance orange. On prévoit des vents violents, fortes pluies, orages, mer dangereuse à la côte. Et cyclone tropical. Alors, on parle de fortes probabilités d'évoluer en dépression ou en tempête tropicale. Voilà. Ok, ça veut dire que de toute façon, dans tous les cas, si ça devient plus puissant ou moins puissant, en fait, en l'occurrence, il y aura quand même du très très mauvais temps. Un risque forcément d'inondation, la précaution est de rigueur. Alors, est-ce que la vigilance rouge dont certains parlent risque d'être enclenchée? Oui, il y a quand même un sûr. Risque. Il faut guetter. Hein. Ok. Ouais. D'où peut-être votre présence dans cette effervescence pour aller faire 2-3 petites courses avec notamment les éléments de première nécessité. Il a un prénom, ça y est. On l'a appelé comment? Mathieu. Ok. Mathieu. Ok. Il paraît que les scientifiques trouvent pas le phénomène si impressionnant que ça, mais c'est un petit peu le principe de précaution en fait qui prime. Mm-hmm. Ça devrait pas avoir lieu dans la nuit, mais plutôt le phénomène démarrait en fait plutôt tôt dans la matinée de demain. Ouais, voire même la mi-journée. Donc on va être là, tranquille, pour ceux qui vont pouvoir profiter d'un petit jour de congé supplémentaire. Profitez-en pour bien vous préparer. Qui a déjà vécu un cyclone ou le passage d'une tempête assez sérieuse quand même? Pas vraiment. Et toi? Je me rappelle de Dean. Ouais. C'était pas mal. Yes. Ouais, personne n'a vécu Hugo ici. Hugo, tous les après-midi, oui. Oui, on subit Hugo tous les après-midi, mais attention, à une époque, il y a eu un cyclone Hugo qui était quand même assez sérieux. Ouais, je sais, ouais. Ouais, et c'est peut-être pour ça que 89, tes parents, peut-être que tes parents t'ont appelé comme ça, justement, parce que tu as été, non, c'est pas possible. C'était 10 ans avant sa naissance, donc peut-être, hein, c'est un souvenir. Ouais, voilà, ils se sont dit. Ils se sont peut-être rencontrés pendant la tempête. Ça trouve, en fait, la maman d'Hugo, elle a accouché, tu sais, pendant un an et demi, il a pas eu de prénom, Hugo, tu vois. Et au bout d'un moment, quand il a commencé à casser tout dans la maison, elle s'est dit, c'est Hugo. C'est Hugo qu'on va l'appeler, chérie. On va l'appeler Hugo, comme le cyclone. Tu te rappelles, le cyclone va revenir. La terrasse était sans dessus dessous. Eh ben, regarde notre fils. Et c'est Hugo, hein. C'est Hugo, ouais. Si ça se trouve. Mais ça avait bien rasé l'île, hein, en Guadeloupe. Et ben moi, ça, c'était chaud. J'ai vécu un cyclone, en fait, au Belize, là, pendant mes vacances. C'était courant août, en fait. Catégorie 1. Alors, catégorie 1, c'est toujours présenté comme un truc qui est pas très, très, très, très méchant. Ouais. Mais sauf que, par exemple, ça faisait 40 ou 60 ans qu'ils avaient pas vécu ça, en fait, au Belize. Mm-hmm. Et comme par hasard, quand tu es là en vacances, Mais comme quoi, il y a des gens qui attirent la merde. Mais je te jure que ce qui s'est passé, en fait, c'est que concrètement, je suis arrivé une heure après, fermer l'aéroport. Les mecs ont attendu que tu arrives, et là c'est bon, il y a des arrivés, ok, on peut fermer. Ils ont fermé l'aéroport, tu sais, on avait l'impression qu'ils avaient peur que les touristes en fait s'en aillent, si on leur disait trop tôt qu'il y avait un ouragan qui arrivait. Et c'est comme c'est un pays qui vit beaucoup du tourisme, je demande au gars dans l'avion, mais véridique, hein, je me lève de mon siège, et puis j'entends que le mec parle avec quelqu'un qu'il connaît. Et puis il fait, ouais, hurricane, machin, etc. Je dis, quoi? Il y a un ouragan qui arrive? Et le mec me regarde, il fait, non, non. Et ben le soir, mec, il y avait de l'eau au-dessus des toits des voitures. On était à 50 mètres de la mer et c'était très très impressionnant. On sentait les maisons bouger et tout. Il y a eu pas mal de dégâts. En tout cas, le Belize a vraiment essuyé un sacré phénomène. Je ne nous le souhaite pas, mais en même temps, autant être préparé. 0-800-200-300 dans une poignée de secondes. C'est de la pelle et surtout du canular qui débarque sur Trace FM. À tout de suite. Ce mercredi 12 octobre à 16h à Madiana, Trace FM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charbon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Est-ce que t'en as une de pièces? Et les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820-203-200 et repars avec 2-2-2-4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, à Madiana, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fr. Fois par mois, les studios Trace FM de Génération 97 se transforment en Big Scene Live. Trace FM t'offre chaque mois un de tes artistes préférés en showcase ultra privé dans ses studios avec les forfaits Play d'Orange. Ce vendredi 30 septembre, c'est la rentrée de Génération 97 Live, une édition très spéciale pour accueillir la star jamaïcaine, Cécile. Ce vendredi 30 septembre, entre 19 et 22h, Trace FM reçoit Cécile en showcase exclusif pour toi avec les forfaits Play d'Orange. Plus d'infos, trace.fm. Tu as le bac? Tu es étudiant ou jeune diplômé? Et tu as un projet de création ou de reprise d'entreprise? Quel que soit ton âge, inscris-toi au dispositif Pépite, obligatoirement sur le site www.pépite-france.fr. En passant par Pépite, tu bénéficieras d'une formation et d'un accompagnement personnalisé à la création d'entreprise tout en profitant des avantages du statut d'étudiant entrepreneur. Pour plus d'infos, envoie un mail à pépite.ag@univ-ag.fr ou appelle au 0590 48 34 06. N'hésite pas à te lancer dans l'aventure et à remplir un dossier de candidature si tu as un projet qui te tient à cœur de réaliser. Tu écoutes Trace FM, numéro 1 devant tout le monde. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Eh ben dis donc, on se fait plaisir là. Alors, toujours en vacances? C'est vrai qu'à ce prix-là, on s'y croirait. Chez Burger King, le menu Whopper Junior est à 4,20€. 4,20€? Voilà encore un peu de vacances pour ton porte-monnaie. Burger King, le goût est roi. Pour votre santé, bougez plus. sur les hits. Alors, cette rentrée? Bah, c'était une rentrée comme les autres, sans plus. Ah ouais? C'est marrant ça, parce que avec toutes les photos que t'as postées sur ton mur, ça avait plutôt l'air d'une super rentrée. Pour tout partager de sa rentrée, Orange vous offre deux fois plus d'internet mobile pendant deux mois pour toute souscription à un forfait Play 2 heures et plus. Et en plus, en rejoignant Orange, profitez du Samsung Galaxy J1 à seulement 49 euros. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre valable jusqu'au 19 octobre. Engagement de 12 mois. Détails et conditions en boutique ou sur orangecaribe.com. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille, certifiés Trace. Venez danser, bouger, transpirer. Mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre, 16h30, parking McDonald's, Montauban au Gosier. Dress code sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fm. Toute l'année, tu te poses des questions. Toute l'année, nous te donnons les réponses. Avenir au 97-300. Nos astrologues décryptent le futur pour toi. Avenir, AVENIR au 97-300. L'avenir se dévoile enfin. Tu veux savoir? Envoie Avenir au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS. Mada, Guada, Yana. 0820-203-200. On va passer en mode canular dans la radio. On lâche un vrai spécopathe dans les pattes de la cousine de Leïla. Leïla? Oui. Tu es prête? Ben oui, normal. Ok. On compose le numéro de téléphone. On a récupéré toutes les petites informations qui concernent ta cousine. Et on espère. Et on espère qu'on va rigoler. Le principe, c'est quoi? L'objectif, c'est de la faire flipper. Ah ouais, mais là, elle zigine déjà. Ok. Parce qu'il faut préciser que tu as préparé le terrain. On y va, on compose le numéro de téléphone, c'est Sabri qui s'y colle. Votre correspondant n'est pas disponible pour... Premier essai. Deuxième essai. Excuse-moi, monsieur. J'ai l'impression que le standardiste... Il est stressé par la musique. Il n'arrive pas à composer le numéro de téléphone en entier, tu sais. Allô, bonsoir. Allô, Nathanaël. C'est qui? C'est Jean-Yves. C'est qui Jean-Yves? Ben, tu sais, on s'était vu une fois. C'était à la gare. On s'était parlé. Je vois pas qui. C'est pourquoi? Mais c'est en fait, on a discuté un petit peu, on s'était bien entendu, surtout moi je t'avais bien entendu, donc je m'étais dit que ce soir j'allais te rappeler, parce que bon, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, c'est pour savoir si on peut se revoir. Au niveau de la tendresse, tu n'es pas vraiment équipé. Non mais je pense que au-delà de la tendresse, je pense que, en fait, je sais pas ce que vous avez préparé comme terrain, mais la nana, elle t'a semblé flipper là, Leïla? Ta cousine là, elle flippe pas? Oui. Non, mais si elle flippe, au retrait, elle met une carapace, mais elle flippe. Ok, d'accord. Elle a déjà rencontré le vrai Jean-Yves. Ok, d'accord. Jean-Yves est un vrai personnage que vous avez déjà lâché dans ses pattes. Ok. Ok, on rappelle. Et tu nous confirmes que si on continue à rappeler, en fait, à un moment ou à un autre, ça va nous déchirer, quoi. Ça va être cool. Ouais, là, elle envoie un audio. Attends, j'écoute et puis je vous dis. Non, mais non, tu nous fais écouter. Bah ouais, fais-nous écouter l'audio. Elle est venue me demander est-ce qu'il y a quelqu'un. J'ai donné mon numéro à quelqu'un. Est-ce que tu as donné ton numéro à quelqu'un? Non, elle a dû te demander si, oui, si tu as donné son numéro à quelqu'un. Mais elle est tellement... On rappelle, recompose le numéro de téléphone. Oui. correspond, c'est pas disponible. C'est toujours bizarre les musiques de films d'horreur. Des vieux films d'horreur. Ouais. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Vous voulez laisser un message ? On insiste. Elle est nulle cette chanson. C'est super naze. On dirait plutôt une musique d'enterrement. Non, t'enterres personne sur une musique comme ça. C'est-à-dire que là, même le mort, il se lève, il dit, les gars, putain, j'avais demandé DJ Daydream. C'est quoi cette musique là? J'ai pas demandé ça. J'ai demandé qu'elle savent qu'elle s'est levée. Attends, Daniel. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avoir une conversation quand même. Mais j'aime bien ce petit côté un peu attardé. Très naturel chez toi, très spontané. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Ah, vas-y, recompose. Ah, putain, recompose. Quand t'as l'autre là qui va à des enterrements sur des musiques comme ça. Ça va être sympa la veillée. Allô. Attends, Daniel. Ok, ça m'a pas envie de jouer. Alors, pas pris dans le téléphone la mamie. Mais c'est, pas pour, c'est pas pour jouer, c'est pas pour jouer, c'est pas pour jouer. Mais comment ça vous appelez sur le mot de mamie? Moi, pas impossible, ça. Je suis devant chez ta mamie, justement. C'est pour savoir si je peux venir frapper à la porte. Allô? On y retourne? Devant sa porte? C'est la description de la maison? Pas du tout. Évidemment, parce que ça aurait été trop facile, trop passeport du tout, en fait, que d'avoir des informations un peu correctes qui puissent nous permettre de la faire flipper un peu plus. Je vais totalement inventer. Moi, en même temps, quand je vois, en fait, le type de nana que c'est, je me dis que même à sa cousine, elle a probablement jamais dû lancer une invitation pour qu'elle vienne à la maison. C'est pour ça que Leïla, en fait, elle doit pas connaître la maison, elle doit pas pouvoir décrire la maison de la mamie en question. Tu confirmes, évidemment, Leïla. Tu confirmes? Non, je confirme pas quand même. Et donc tu connais la maison alors? Donne des infos. Mais oui, mais en fait, elle est chez mamie. Oui, et donc la maison de mamie. Elle est où? Il y a une barrière blanche et puis c'est peint en saumon. C'est quoi? C'est une barrière blanche peinte en saumon. Putain, tu parles super bien des gens qui articulent pas. Et puis je suis fatiguée, c'est pas de ma faute. Non, non, non, c'est pas de ta faute, non, non. Non, on te jette pas la première pierre qui fait déborder le vase. Non, ne t'inquiète pas, Leïla. Donc la maison, barrière blanche, et quoi d'autre? Peinture saumon. Peinture saumon. Non, la maison. Ouais. La maison est peinte en saumon. Ouais, parce que la barrière blanche peinte en saumon, c'est bizarre. Alors, barrière blanche et maison peinte au saumon. Et peinte au saumon, ça sent pas trop fort un peu, non? Mais c'est pas, D'accord, ok. C'est pas des blagues, les gars. Sinon, il y a combien de fenêtres? Je sais pas, des trucs un peu d'architecte, quoi. Des questions un peu d'archi. C'est la maison, hein. Hein? C'est une maison, d'accord. Il y a un jardin? Oui. C'est une barrière. Il y a une voiture à l'intérieur? Non. Est-ce qu'il y a un étage? Non. Est-ce qu'on voit la fenêtre depuis la rue? La fenêtre de sa chambre? Ou du salon, par exemple? Oui, oui, oui. Oui, oui. Est-ce que s'il y a un mec pas sympa qui est devant la maison, il peut la regarder se déshabiller? Exact, oui, oui, oui. Eh ben voilà, c'est ça qu'il nous faut comme information. Mais en général, il faut nous les donner avant qu'on l'appelle. Hein. On perd moins de temps. En tout cas, elle panique puisque Leïla m'a envoyé là sur WhatsApp un audio que... Ah, fais écouter l'audio. Oui, je l'ai envoyé sur le groupe. Ah, ok. Ah. Alors, donc on a un audio de la nana qui panique. Attends, bouge pas. J'aime bien. Canular sur WhatsApp. Ah putain, attention, canular sur WhatsApp maintenant. Ça rigole pas. De Jerry Bruckheimer. Attention, voici cette... Vous aviez été un peu frustré de ne pas vivre sa réaction. La voici en direct exclusive sur WhatsApp. Attends, comment ça le gars appelle sur le fixe, le gars appelle sur mon porte, ma fille, c'est quoi son but dans la vie là? Moi, c'est pas si bête, mon cacouille, on le fixe, m'a mis en cours ça. Mais je sens la terreur, effectivement. Ah ouais. Je sens complètement qu'elle est liquéfiée par l'angoisse, l'anxiété, tout ça, et je sens qu'elle est à deux doigts d'appeler la police, hein, écoute bien sa voix. Attends, comment ça le gars pêche le fixe, le gars pêche mon porte, ma fille, c'est quoi son but dans la vie, là, mon père est pas si bête, mon cacouille, on le fixe, ma mère, en cours, ça. On sent le stress, on rappelle. Si on frappe à sa porte là. Ah oui, on sent que. Balayette. Ah ouais, le truc elle est chaud. Elle a vraiment peur, elle peut frapper le mec. Le truc est chaud, le truc est chaud. Le truc est chaud. On fait payer ou pas les gens quand ils nous font faire des canulars? Oui ou non? Non, mais on devrait. Hein. On devrait, franchement. On devrait. Putain, en plus ça décroche pas. On devrait mettre un système d'amende. Tu sais, genre, le premier appel, ça décoche pas, machin, etc. Genre, tu sais, genre une sanction. 50 euros pour nous avoir fait un peu perdre le temps, tu vois, machin, etc. Ça chiffre vite là, hein, pour toi, Leïla. C'est pas moi qui va payer. Comment ça, c'est pas toi qui va payer? C'est toi la responsable? Vous connaissez ni mon nom, ni mon adresse. Voilà. C'est facile. On a ton numéro de téléphone. Nathaniel. C'est pour te dire, ça a coupé la conversation, mais là, tu peux aller dans ta chambre pour me faire un signe ou pas? Je suis en face. J'ai mon petit cœur qui a trop mal de ne point te voir. Je me meurs de toi. Je me meurs de toi. De ne pas te voir. Ça fait pas peur ça. Là on est monté déjà au moins à 150 euros de pénalité. Hein. Vas-y. On recompose une dernière fois, allez. Là on appelle sur le fixe, faut préciser ça en fait. On appelle sur le fixe de ta mamie en fait. Ok. Allô? Allô? Nathanaël? Oh gars, ça m'a pas envie. Non, toi, gars, ça fait deux fois que tu as raccroché sur moi. Ouais. Et alors tu ne laisses pas ça t'arriver. Tu ne laisses pas ça. Personne ne fait ça. Tu étais là m'avoir peur. Eh ben bon Dieu. Tu ne sais pas qui je suis. Oh les gens me respectent. C'est toi qui es dans la maison, ce mot là. On progresse péniblement, mais on sent que le bébé va pas tarder à sortir. On attend toujours. Ah ouais, salle de travail, 8 heures. On y va, on recompose. Elle a l'air prête à se fight avec le gars quand même. D'où la meuf, elle a peur. Elle a peur de rien du tout, quoi. Leïla, on va réviser les émotions, hein, après, hein. Pour que tu apprennes à les lire chez les gens que tu connais. Non, c'est qu'elle l'a dit, Guine, quand elle m'a dit ça. Ok. Tu me rassures. J'ai cru un moment qu'on perdait notre nom. Mais non, jamais avec moi. Ok, d'accord, pas de souci. Merci beaucoup. C'est moi qui devrais peut-être te payer, non? Allô? Allô? Nathanaël? Nathanaël? Allô? S'il te plaît, réponds. Je serai plus méchant, je vais plus faire de menaces. J'ai dit au médecin que j'allais être gentil cette semaine. Faut pas que tu te prennes mal comme ça. Nathanaël. Ben passe-moi mamie. Elle est à côté de toi. Dis-moi si mamie est à côté de toi. Nathanaël, je te parle. Nathanaël! Pourquoi est-ce que tu me réponds pas? Je suis obligé de continuer à parler. Quand je parle beaucoup, mais ça commence à m'énerver. Là, j'ai pas mes médicaments sur moi. Si je prends pas mes médicaments, le médecin va me dire qu'il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital, ouais. Parce que les médecins sont trop méchants avec moi. Je commence à l'avoir marre. Est-ce que tu me réponds au téléphone, s'il te plaît? Le téléphone, ça c'est le parler. Depuis qu'est-ce que tu as appelé c'est le téléphone là? Il faut répondre dans le téléphone. Ça c'est sérieux de décrocher. Mais si tu crois que c'est des choses comme ça qui se font dans la vie. Peut-être que je peux rentrer te voir, s'il te plaît, Nathanaël. Passe-moi mamie, s'il te plaît. Passe-moi Jeanne. Mamie Jeanne. Hé, ta mamie s'appelle Mamie Jeanne. C'est comme Mamie Jeanne. On peut l'appeler Mamie Joanna. Passe-la moi, s'il te plaît. Nathanaël, je t'ai parlé une fois. Elle est toujours là. Nathanaël, je t'ai parlé deux fois. Oui. Nathanaël, je t'ai parlé 5 fois. Oh, Nathanaël, ne me fais pas m'énerver dans le téléphone, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me passer ta main à Mijouana, s'il te plaît? Nathanaël, ne fais pas des trucs comme ça. Tu vois pas que ça me fait des trucs comme ça. Ça me énerve, ça me énerve. Je sens que je suis énervé. Je suis énervé, je suis fâché, je réponds mal aux gens. Même si après, les gens me disent bonsoir, moi j'ai tout ça, c'est pas le bonsoir. C'est pas le mauvais soir. Nathanaël ne veut pas me parler. Allô? Allô, s'il te plaît? Tu peux me dire, tu veux pas me parler si c'est ce que tu veux pas faire? Il faut savoir s'expliquer avec les gens quand on est dans le téléphone. Alors par contre, si je suis en train de parler depuis tout à l'heure, là, il n'y a personne dans l'autre bout du téléphone, ça veut dire que je suis comme un con. Et vous êtes tenté de me foutre de ma bouche dans la elle radio. Elle a accroché, mais ah, quand même, elle était là. Elle a accroché, mais elle a envoyé un audio apparemment. Non, mais elle a dû poser le téléphone. Pourquoi? Et je te dis là, parce que quand tu la fâché comme ça, je te jure, j'appelle ta chérie Jacqueline, j'appelle la police, je prends des mains, je m'attire. Mon père a fait petit comme mon cacri et qu'on s'est chacré. D'accord. Et derrière, c'est nous qui étions en train d'appeler. Ouais, on entend le téléphone. D'accord, ok, ok, ok, d'accord, ok. On essaye une dernière fois. T'as Little Mum qui te dit, Sabri, tu es en train de la faire s'étouffer avec de l'eau. Little Mum, tellement tu l'as fait rire. Ah, ah, Little Mum. Ah, d'accord. Oui, okay. Oui, oui. Ok. C'est... Nathanaël? Allô? Quoi encore? Mais je voulais juste discuter avec toi. C'était pour qu'on puisse faire connaissance. Attends, tu sors de tout ça, tu veux discuter avec moi. C'est bon, j'ai pas envie. Maintenant, tu vas te t'emmerder. Bon, j'aime bien la douceur de ta voix, mais par contre, est-ce que tu peux articuler? Parce que là, pour ça, je comprends pas ce que tu dis. Allô? Oui. Alors, c'est quoi ton film préféré? Regarde, va chercher quelqu'un de ta embêtée, d'accord? Je t'embête pas, ne dis pas. Ne dis pas. Ne dis pas. Attends. Ok, t'as envie d'embêter quelqu'un? Non! T'embêtes quelqu'un d'autre? Mais c'est pas ça! Attends, laisse-moi t'expliquer. Tu m'entends? Nathanaël, tu m'entends? Ouais. Vas-y, parle, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Alors, je voulais pas t'embêter. Je voulais juste m'arranger pour savoir dans quelle disposition on pouvait éventuellement se rencontrer. Parce que moi, tu... J'avais pas envie, merci beaucoup. Mais non, mais attends, tu dis ça là, parce que c'est... Parce que peut-être tu te souviens pas de moi. Peut-être que tu as oublié. Je suis plutôt mignon, on me dit souvent ça. Ça va m'intéresse pas, je suis pas sur ça. Mais tu dis que t'es pas sur ça, parce que tu n'es pas encore rencontré l'homme. Mais une fois que tu seras devant l'homme, tu vas dire waouh, mais quelle beauté magique et éphémère. Comment pourrais-je laisser passer ma chance de rencontrer? C'est bon, ça ne m'intéresse pas. Quand tu joues tout le temps, c'est bon. Je ne peux pas t'embêter, ça suffit maintenant. Quand on va se rencontrer, tu seras ébloui. Quand tu vas me regarder, tes yeux seront comme ça. Il y aura des flashs, des picotements au fond de ta rétine. Tu vas te dire mais comment je peux passer à côté de tant de beauté à cause du téléphone? Parce que bon, ma voix n'est pas vraiment en rapport avec mon physique. Là, actuellement, tu penses que je ressemble à quoi, par exemple? Nathanaël? Nathanaël? Quoi encore? Mais parce que j'ai l'impression que tu m'as pour un mec qui est pas beau. Alors qu'en fait, dans la réalité, je suis très beau. Je ne manque pas de beauté, tu vois. Et ce serait dommage parce que pour toi, c'est une occasion de sortir avec un mec qui est pas mal. Ça me met qui laisse pas, ma fille qui laisse pas baisser, c'est bon quoi. Comment ça, je vais répéter ça? Non mais sinon, je vais pas te mentir. Tu as aucune chance. Si c'est pas moi qui te tend la main, ta main va rester vide. Tu es en train de réfléchir, hein? Pas du tout. Si, j'ai senti une hésitation là dans ton silence. Ton silence, ça fait... peut-être que je ne devrais pas laisser passer l'occasion. C'est ta dernière chose. Je te laisse 5 secondes de réflexion. Je te laisse... C'est bon, 10 fois, c'est bon. Tu vois, comment ça peut articuler. Ce genre de truc-là, ça peut repousser n'importe quel beau mec. Donc fais gaffe, mais moi, j'ai la patience. Tu as une voix de tébé, mais je t'accepte comme tu es, tu vois. Parce que... De quoi? C'est qui pour dire aux gens qu'ils ont une voix de tébé? Mais t'as une voix de tébé! Je dis pas que tu es tébé! Je dis pas que tu es laide, mais tu as une voix de tébé quand même! Mais je t'aime, parce que c'est des vrais sentiments! Je te laisse 5 secondes de réflexion. Attends toujours? 1 2 3 4 4 1 dixième 4, 2 dixièmes. 4, 35. 4, 42. 4, 58. 4, 63. 4, 78. 4, 89. 4, 95. 4, 97. 4, 98. Attention, suspense, ça va bientôt arriver. Tu as changé de... Toujours pas? Nous sommes maintenant arrivés à la fin du compte à rebours. Vous n'avez plus aucune chance. Vous serez condamné à finir votre vie toute seule avec des chats dans une vieille maison toute pourrie qui sent le saumon. La sentence est irrévocable. Ça veut dire que tu ne peux pas la révocabiliser. Même si tu veux. Tu as compris, Nathanaël? Eh oui, voilà, c'est la conséquence de laisser passer les jolis garçons qui se pointent devant ta maison. La prochaine fois, je sais, tu vas pas faire ça encore, mais le prochain sera laid. Voilà, tant pis pour toi. Voilà. Fallait pas dire non à Jean-Yves. Un prénom aussi sexy. Franchement, tu aurais dû savoir. Nathanaël. J'hésite entre le fait qu'elle ait posé le téléphone, tu sais, ou qu'elle soit encore en train d'écouter. Allô, Nathanaël. Oui. Ah, ah. Bon. Lui, il a une bonne voix, mais il est moche. Faut toujours te méfier de la voix. C'est pas parce que j'ai une jolie voix que je suis beau et que tu dois me parler. Enfin, tu peux te baser dessus quand même. Ça va, Nathanaël? Oui. Tu te demandes qui c'est? Comment? Tu te demandes qui c'est? J'ai rien compris. Tu articules pas, Yannick. Non, mais dis-lui, elle te comprend mieux. Vas-y, traduis en Jean-Yves, s'il te plaît. Nathanaël. C'est Yannick de 30 FM. Bonsoir Nathanaël, bienvenue en direct sur Trace. Oui, je sais. Ah, mais t'as un peu de temps à perdre visiblement ce soir. C'est ta cousine qui nous a demandé de t'appeler. Elle s'appelle Leïla. Oui, ça peut être qu'elle. Je savais déjà que c'était. Ça peut être qu'elle. Ouais, et ben écoute, ce que je te propose, c'est que visiblement, comme t'as toujours un coup d'avance, essaye de penser au testament, hein, et à surtout faire en sorte qu'elle ne puisse hériter de rien dans la famille, ok? Ne partage pas avec elle. Ça marche? Oui, ça va. On te la passe hors antenne? Comment? On te la passe hors antenne, Miss, ok? Ok. Bonne soirée, Nathanaël. Bon, on revient dans un petit instant en Génération 97. Qu'est-ce qui se prépare? On appellera avec la voix de Kalash, c'est le Hey Baby, allô. Yes, on revient également, hashtag G97, hashtag Trace FM avec vos propositions, il y a des cadeaux à gagner. On rappelle la question con de ce soir. Pourquoi la salopette a-t-elle été appelée salopette? Yes, d'ici là, on va s'écouter un petit peu de Marvin dans la radio avec Après la pluie. Bon là on est plutôt avant théoriquement, ouais. On est plutôt avant le mauvais temps. On revient dans un instant. Mada, Guada, Yana, une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. Yes, à tout de suite. Trace FM et Soulground entre 19 et 22h. Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Puis pour nos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et dans les messages. Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay.

even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my hands. I had to bark on the front way back when. She wanna beat it up. She talking that smart, yeah. If you see this Indian girl, where she she conduct loose. When she drink that juice, yeah. She want the walk till it bruise. If you see the Indian girl, I ain't never seen no girl like you. Pretty like Dolly, but you conduct loose. Girl, I make man ball out to good. When she whine and she grind and she whine and she whine and good, good, good, good, good, good, yeah. Gabriel Union, Fisher yeah. Ramble Chan, you're sweeter than, you're sweeter than. And your body look fit, in a your tie just here. Got to love you, got to love you, baby, got to love you. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Girl, me no steal all them money, we put you down. Me rather lift you way up on your off the ground. Now for them fake, them when a king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me up down. And the way them nigga boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start me moan and groan. Come here and you're strong like a stone girl. You mean everything. Fuck it up, I woman. I woman. I will be by you anything. Trace FM, hashtag G97. Il y a Tijo Somme qui est derrière les platines. On va faire de la question ouf tout à l'heure. Rappelle-moi la question ouf. Pourquoi le vêtement, la salopette, s'appelle ainsi? Pourquoi la salopette? On est en pleine vigilance orange du côté de la Martinique et la Guadeloupe. La Guyane étant ce paradis exempté, exempté des cyclones et des tempêtes. On cherche quand même le top 5 des choses à faire lorsqu'on est bloqué à la maison, qu'on ne peut pas sortir, éventuellement en vigilance rouge. Comment on s'occupe dans la maison? Ça va être peut-être valable pour demain, pour ceux qui seront obligés de rester à case, si toutefois la vigilance rouge est confirmée. Faites vos propositions. Hashtag G97, hashtag Trace FM, le top 5 des choses qu'on fait pour s'occuper lorsqu'on est bloqué à la maison, que ce soit forte pluie ou forte intempérie. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi, en tranger des mots, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le pète compte sans moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le voile. Toujours le même, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début du business qui s'écrit. J'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. On va faire un petit coucou à Choupinette qui est avec nous. Célia M qui nous rejoint également. Hashtag G97, hashtag Trace FM sur les réseaux sociaux. Génération 97. La plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. Putain, la semaine est passée à une vitesse, les gars, un truc de dingue. Mais on est que mardi. Mais oui, mais c'est surtout qu'on est d'autant plus proche de recevoir la Miss. Elle débarque ce vendredi dans le Trace Studio. What's up, this is your girl, bad girl, Cecile, and right about now, you're listening to me on Trace FM, baby. Yo, what's up, this is your girl, yo, what's up, this is your girl, bad girl. Ah, que le mec se prend pour Tijo Sand. Cécile débarque, tête d'affiche du rythme de DJ Fly en ce moment. La Jamaïcaine a une série de succès plus longue que le bras. Elle débarque vendredi dans le Trace Studio. Si tu veux en être, Mada, Guadayana, tu te manifestes sur les réseaux sociaux. Hashtag G97 Live Orange. Ou alors tu nous appelles, t'appelles Keshi là. Donne-lui un peu de boulot s'il te plaît, je trouve qu'il se gratte les couilles. 0820 203 200, tu l'appelles au standard pour réserver ta place et rencontrer l'artiste au plus près. C'est vendredi dans le Trace Studio, c'est G97 Live. Yes, d'ici là, on a de la question ouf. Pourquoi la salopette est-elle appelée ainsi? Pourquoi la salopette? On a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Il y a Tyrone. Salut Tyrone. Salut. Alors, tu penses que c'est quoi la réponse, toi? En fait, je pense qu'un jour, quelqu'un s'est réveillé et s'est dit « j'ai pas envie de mettre des ceintures ». Donc du coup, il a inventé la salopette. Il a mis deux bretelles sur le côté et s'est dit « ça donne un style, style, c'est bon ». D'accord, invention du vêtement. Ouais, du vêtement. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelée salopette? Parce que même elle, des fois, elle s'oublie. Parce que c'était même les salopettes. Vie, en fait. Parce que c'était quoi? C'était son mode de vie. C'était son titre. Son mode de vie, son titre. Tu as compris la question, Tyrone? Oui. Moi, je sais pas si en fait. Je pense qu'il faut peut-être un peu s'intéresser à l'étymologie. Je pense que le pet, ça traduit quelque. Je sais pas. Enfin, ça traduit rien du tout. Des fois, ça t'embrouille. Hein. En jargon le belge, le pet, c'est les fesses. Ah, peut-être que ça couvre en même temps les fesses et en même temps la salope. D'où la salopette. Non? C'est pas ça. Cherchez encore. Et il faut que tu nous donnes un petit peu plus d'indices quand même, qu'on comprenne un peu c'est de quel côté on doit chercher. Je vous ai dit de regarder l'étymologie du mot salopette. Au-delà de ce que tu nous as dit, peut-être que il y a d'autres appels du côté du standard. Bah oui, il y a Jason qui est là. Tu crois que c'est quoi la réponse, toi? Allô? Non, c'est pas ça. Jason? Oui, on attend ta réponse, tonton. À quoi sert la salopette? Ouais. La salopette, c'est pour éviter les cultures. Qu'est-ce que qu'il raconte? Non, non, mais il est... fais-lui croire qu'on a bien compris. Ah, ah ouais, ok. Ah, ah bah ouais. Non, c'est pas ça. Mais ne le déçois pas. On va penser aussi à l'utilité de la salopette. Est-ce que la salopette, ça a toujours été un vêtement de mode? Jason, est-ce qu'il y a moyen que tu articules un petit peu mieux ta réponse, qu'on comprenne? Parce que si ça se trouve, t'as la bonne réponse, mais si on la comprend pas, c'est naze. Ok, bro? Je me suis fait comprendre, bro? Ok, bro. On t'écoute, bro. Tu t'es dit, la salopette, c'est de ceinture pour les femmes. Donc, il n'a pas envie de mettre. De ceinture? De ceinture pour quoi? Pour les femmes. Ça sert de ceinture pour les femmes, les salopettes. Donc, il n'a pas envie de mettre de vêtements, il met une salopette. Tu te dis, tu mets ça. Quand t'as pas envie de mettre de vêtements, tu mets une salopette. Ouais. Quand j'ai pas envie de mettre de vêtements, je mets pas de vêtements. Ah non, fashion faux pas, ma chérie. Fashion faux pas. Non, c'est pas la bonne réponse, mec. Désolé, Jason. Absolument rien à voir avec ce que tu viens de nous proposer. Il faut que tu nous expliques un peu mieux que ça, s'il te plaît, Nessie. Il faut que tu nous mettes sur la voie, qu'on comprenne. Parce qu'en fait, si on s'intéresse à l'étymologie, en fait, ça veut dire qu'on s'intéresse à la racine du mot. Bon. La racine du mot vient de quel mot? Mais alors je vous mâche tout le travail alors. Bon alors, même si on s'intéresse pas à l'étymologie, à la base la salopette on la portait à quelle occasion? Voilà. À quel moment on portait la salopette? Moi je l'ai portée, je pense qu'on m'a forcé à la porter en fait quand j'étais petit. Les parents ils trouvent ça toujours cool. Ouais, oh c'est trop mignon, hein, ouais. T'as une salopette. Ouais. Et puis d'ailleurs en plus, tu ressembles au mignon. Et puis ensuite je pense qu'il y a un aspect pratique aussi dans la salopette, c'est qu'il suffit de décrocher les deux anses en fait pour l'enlever. Pour être tout nu, oui, ou un slip et un t-shirt. Ou par exemple, ouais. Mais je sais pas où non. Ça va d'autre. Non, c'est pas pour ça. Qui portait des salopettes? Qui, à la base? Les ouvriers au mexicains. Au tout début. Les portugais. Au tout début, c'était pas les gens qui travaillaient la terre. Les agriculteurs. Les ouvriers. Ouais. Donc les gens qui font des métiers un peu salissants. Voilà. Et donc... Donc je donne la réponse. Non, non, mais donc ça veut dire quoi? Attends, j'essaye de réfléchir à haute voix. Tu m'excuses, hein, pardonne-moi. Vas-y. Ça veut dire que concrètement, les gens, les agriculteurs, les ouvriers portaient une salopette. Au-delà de porter une salopette, ça s'appelait une salopette. Pourquoi ça s'appelait une salopette? Il y a que les ouvriers en fait qui le portaient. C'est pour ça qu'on l'appellerait une salopette. Oui, c'est ça. Peut-être par rapport à l'activité qu'ils faisaient avec. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est parce qu'en fait tu détruis tes vêtements ou tu te salis. C'est en rapport avec salir. On donne la réponse alors. La salissanette. C'était... Et puis ensuite, ça a dévié vers la salopette. Salir? Oui. Ça a un rapport avec salir? Oui. Là, tu l'as contrarié parce que tu es tout près de la réponse. Mais oui, mais à un moment ou à un autre, il faut bien qu'on avance. Oui. Bah, je peux donner la réponse si non. Vous voulez. Non, il faut qu'on trouve. 0820 203 200, on est tout près de la réponse. Faites les derniers mètres. Dernier mètre. Non, moi j'ai envie de gagner ce soir. Rappelez-vous de Coluche qui portait sa salopette. Il représentait qui? Quoi? Le peuple. Bah oui. Alors. Et donc. Est-ce que c'était. Le peuple est une salope. Non. Est-ce que c'était. Est-ce que c'était un vêtement de mode? Non. Je pense que c'est à un moment ou à un autre les vêtements ont toujours dénoncé quelque chose. Alors peut-être que ça dénonçait le peuple, le côté populaire du truc. Oui. Je pense que c'était avant tout pratique. Ouais, pratique. Je pense qu'il y a un côté pratique. Je pense que salir, le fait de se salir, je pense qu'on n'est pas loin. Quand on salissait la salopette, en fait, du coup, on pouvait la saloper. C'est presque ça. On est trop forts tous les trois. Putain, mais on n'a toujours pas trouvé en fait. Donc salopette viendrait de saloper, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Saloper parce que tu essuies tes mains devant. Est-ce que j'ai tout? Ah, et derrière un peu aussi, non? Non. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a tout trouvé? Les mains partout. Est-ce qu'il reste des trucs à trouver ou est-ce qu'on a tout trouvé en fait? Vous avez pratiquement trouvé là. Alors explique-nous en bon français. Bon alors se saloper, qu'est-ce que ça veut dire? Se salir. Se salir. Se salir. Ouais. Donc c'était un vêtement avec lequel on pouvait se salir. Ouais. Un vêtement de travail bleu, mais il était souvent sale. Bleu parce qu'en jean. Donc voilà. La salopette qu'on peut saloper. On peut saloper. Donc c'était le vêtement qu'on pouvait salir parce qu'on allait au travail avec. D'accord. Ok. Grosses. D'où le fait que les ouvriers l'utilisaient. D'où le fait que les agriculteurs aussi l'utilisaient, tous ceux qui avaient des métiers salissants en fait. Après c'est devenu un vêtement de mode avec les vis et compagnie et effectivement on l'a pu utiliser pour le salir. Ouais. Pourquoi ça s'appelle toujours salopette? Parce que c'est parce que Lévis est rentré dans la, dans la course. Quand Lévis est rentré dans la course, en fait, on l'a trouvé une autre manière de le saloper, en fait. Peut-être. Hashtag GLF7, hashtag Trace FM, 0820-203-200. On a du Hey Baby Allo qui arrive dans un petit instant. Hashtag GLF7, hashtag Trace FM, 0820-203-200. Du coup, personne n'avait la bonne réponse, hein, du côté du standard. On va revenir avec du Seki qui se prépare. Et puis, surtout, un signal qu'il vous faut guetter ce soir. Ce signal peut retentir à n'importe quel moment et surtout particulièrement entre deux titres. Ce signal vous permet d'aller au cinéma. Et qu'est-ce qu'on va voir au cinéma? On va voir la pièce, c'est le premier film événement du Watibé. Ça se passe le mercredi 16 octobre. 12 octobre. Allez, 12 octobre, 16h. Où que tu sois, Madiana, Rex ou Agora, dès que t'entends ça... Que t'en as une de pièce, appelle-nous au 0820-203-200 pour l'avant-premier événement de la pièce. Tu nous appelles. D'ici là, on se met un petit peu de son, on revient sur Trace FM. Baby, you know that you fine. I'm just tryna make you mine, tryna make you mine. Yeah, I'm tryna make you mine. Put a tingle in your spine. We got a vibe, we got a way. You should ride on it. All of the places I can take you, girl, is limitless. So if you've never been, girl, I would just love to take you there. You don't have to worry about a thing. I gotta let me show you better than. Cause I may not know you, just let me hold you. You be my soldier, like you from the north. Make it say, that masterpiece, no limit, baby. Give you that black card, no limit. Just know when you roll with a nigga like me, there's no limit, baby. Make you say, no limit. I see mama murder that, no limit, baby. Give you that ghetto D, girl, no limit. Just know when you roll with a nigga like me, there's no limit, baby. All eyes on me. Back on it, yeah. Qui c'est Guada, qui c'est Mada, qui c'est Guyana, qui c'est Haïti. Sac passé. Nous là, Guyana to the rain. Real Empire. Quand on fait mon côté, peur ou n'est qu'à monter, plus rotigué, pas chez qui ça qu'a dégoûté. L'homme arrivé qui y a un truc à faire, on trappe que pas chez qu'a dérouté. Y'a bien fait tout ça, y'a les apanouillés, pièce à l'esprit. Maman, maman, maman, maman, désespéré, j'ai l'aspiré, mettre mes cités. Ma hypothèque est via pour inutile ou disquette. Autour de toi, beaucoup parleront bien combien disent. Moi, y'en connais ta civile, à moins souci ni la peine. Ni pour on raison bête, moi, on a grandi le bête. Dans mi en vine pas bagné, n'en comprends qu'y'en peut pas bête. Bon, déjà, elle est moins, nos amis en peut pas bête. Quand même, maman, qu'a péré, plein souffle de caché à d'un tiroir. Bois de ça chaud, donc ça dingue, à d'un skate, ni défend le niroir. À ma gamme, pour combien gramme, mi fois senti, mi en double histoire. Ni fusil, ni couteau, ni sang, ni tout pour n'a qu'à crier. Ouais, maman, deux fois, j'ai qui s'y au parloir. Ni piqui, ni portable, la magasin. Ni vol les bras cachés au pays tous les soirs. Mouvement illicite pendant plein mon en soit. Au paiement des vaches, fixe à monopoly. Qu'elle a commencé au roche, il paraît sa police. Tête la carré des fers, il paraît caramoli. En fait pas cocaïne, en fait pas molly. Soit tout ça soit buté, devient un acte héroïque. Chez nous le marchand, ça vole la cocaïne et l'héroïne. Ma jeunesse, attention, ne supporte plus les moqueries. La rage est dans le cœur, les yeux couleurs et mon globine. Cette hygiène, la calée, fait chaud, les grands, pas ni combine. Sous mes trouvignons, ta faute espoir, bonne ni combine. Des prières à mouvement, bienvenue sur mon île. C'est juste la même histoire, avec un différent commun. Bois tout pas gagné, qui la caravelle, la photo profil. On sent où étonné, à un petit bruit, un peu profil. Chaque son qui écrit, c'est mis à confirme. Les amis en paniqué, un tête à quoi qu'un film. C'est MG Manou, Jaconette. Même si trap nous qu'on poète, ou vedette comme même nous oui polaire. Quand manque au pixel les codecs, même face à la bêtise on reste correct. Y'a qui pour mon ligne, y'a qu'à faire collect. Eve les collègues, nous qu'à faire collect. Mon money gang toujours comme mon image. Mon gros ça parle en mode, on qui fout, on balle en plein tête. Maman désespérée, j'ai la splérée, mettre mes six têtes. Pas hypothéqué, via pour initier mon disquette. Autour de toi, beaucoup parleront, bien qu'on te disait. On a Mélinda qui nous rejoint, elle est à Saint-Laurent du Maroni. Bonsoir Mélinda. Bonsoir. Ça va? Oui. T'appelles pour un coup de gueule? T'appelles pour quelque chose? T'appelles pour quoi? Pour un sujet. Ok, tu veux discuter, pas de problème, explique-nous. Comment ? Explique-nous. C'est par rapport au collège, les garçons, les filles, pourquoi ils sont devenus de plus en plus violents. Pourquoi les gens deviennent de plus en plus violents au collège ? Oui, de notre génération, ben, les élèves et tout ça. C'est mignon ! C'est mignon ! C'est mignon ! T'as envie de changer tout ça ? Ouais ? Oui. Bah, c'est quoi ta proposition pour savoir si on vote pour toi aux prochaines présidentielles? Non. Pour améliorer ça, pour qu'on soit moins violent. Bah, j'espère gagner le titre de délégué du collège. Ah mais c'est vrai que tu vas changer le monde avec ce titre-là. Elle est en campagne, ça commence par là. Faut commencer quelque part. Eh ben, qu'est-ce que tu crois d'ici? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas pour grimper les échelons. Excuse-moi, faut faire la première marche. Sarkozy, c'est ce qu'il avait fait. Ouais, il avait 15 ans. Il a pas grimpé que les échelons, il est monté sur une échelle. Pas de mauvaise comparaison, s'il te plaît. Bon, tout ça pour dire que, oh, je suis mignon. Et tu trouves vraiment que les gens autour de toi, en fait, sont de plus en plus violents? Vraiment, gratuitement, c'est quoi l'idée? C'est quoi le constat? Tu as des exemples à nous citer? Faut que tu parles bien en face du téléphone, hein, sinon ça va pas le faire. On va pas t'entendre, ça va être compliqué, quoi. Je sais pas, ils sont devenus plus violents. Dès qu'il y a des garçons qui embêtent des filles, du coup, c'est pas trop moi, genre. Oh, des garçons qui embêtent des filles, c'est de là d'où vient tout le problème de notre société, c'est vrai. C'est vrai, j'y avais jamais pensé. Bouge pas, tu sais quoi? On va quitter un peu le mode talkie walkie parce que j'ai l'impression que on t'entend pas top top, pas terrible. Je te propose un truc, on va faire du Hey Baby Allo. Pour ceux qui savent pas encore en quoi ça consiste, ça a lieu tous les soirs. Voici celui d'hier soir avant d'appeler en direct tout à l'heure dans Génération 97. C'est pas moi. Allo? Hey Baby Allo. Ça va, c'est qui? C'est pas moi. Ça va, c'est qui là? Moi. Ah mais t'es fou de moi là. Eh ouais, va te faire foutre. Eh ouais, là encore, de la violence, comme tu dis, Mélinda. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. On se prépare également à ce signal, il peut retentir à n'importe quel moment. Dès que vous l'entendez, vous débarquez, il y a du ciné à gagner. Attention, c'est pas compliqué, dès que tu l'entends, tu débarques. 0820-203-200, le film, c'est le dernier film, le premier film en plus, du Watibé. Du Watibé, ouais. Que t'en as une de pièce? Appelle-nous au 0820-203-200 pour l'avant-premier événement de la pièce. Ils ont signé la BO, ils jouent également dans le film. Et dès que t'entends le signal, tu débarques au 0820 203 200. On va poser la question aux auditeurs, on revient avec toi Mélinda. Mais est-ce qu'on est plus violent ou est-ce que simplement... Alors est-ce que les gens ont plus la rage, plus... Est-ce que c'est pas... C'est plus visible, je pense. Peut-être que l'exemple aussi, peut-être que nos parents sont aussi encore plus énervés qu'avant. Ils ont peut-être un peu moins le temps à nous consacrer pour nous apprendre à gérer cette colère. Peut-être que c'est quelque chose de totalement normal, mais qu'il faut pas laisser faire, ça on a compris en fait. Tu poses la question au sens générique du terme. On va chercher également tous les petits trucs qu'on fait lorsqu'on est bloqué à case. Qu'il y ait une alerte orange, une alerte rouge d'ailleurs, si elle se confirme pour la Guadeloupe et la Martinique, avec le mauvais temps qui se prépare. Les petits trucs qui vous permettent de vous occuper. Ah oui, alors on a eu plein de propositions quand il y a l'électricité. Mais quand il n'y a plus l'électricité, on attend vos propositions. Hashtag G97, hashtag Trace FM, à tout de suite. Une fois par mois, les studios Trace FM de Génération 97 se transforment en Big Scene Live. Trace FM t'offre chaque mois un de tes artistes préférés en showcase ultra privé dans ses studios avec les forfaits Play d'Orange. Ce vendredi 30 septembre, c'est la rentrée de Génération 97 Live. Une édition très spéciale pour accueillir la star jamaïcaine, Cécile. Ce vendredi 30 septembre, entre 19 et 22h, Trace FM reçoit Cécile en showcase exclusif pour toi avec les forfaits Play d'Orange. Plus d'infos trace.fm. J'ai 16 ans, je me suis fait recenser à la mairie. Et toi? Pourquoi faire? Le recensement est obligatoire et déclenche ta convocation à la JDC. JDC? C'est qui ça? Ben voyons, la journée défense et citoyenneté. Indispensable, notamment pour passer le permis de conduire. Ah bon? Sans la JDC, pas de permis? Alors dis-moi vite comment faire. Vous devez vous faire recenser impérativement dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire à la mairie de votre domicile ou par internet sur service-public.fr. Le recensement permet votre convocation à la JDC, indispensable pour passer examen, concours et permis de conduire. Contactez le centre du service national de Martinique au 0596 39 58 80.

cœur est occupé. Donc il rejette tous tes appels. Toi mon interdit, tu m'attires. Tu sais très bien ma awa, t'es ma faiblesse. Que chaque jour et nuit, oui mon bébé, tu m'obsèdes. Qu'elle est laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter à tes sables. Mon fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Qu'elle est doucement, doucement, doucement, t'arrives à tes fins. Chaque soir tu me hantes par tes caresses. Sapé by SFR offre l'avant-première de La Pièce. Salut Wendy. Bonsoir. Bonsoir. Bah, félicitations, t'es la première à avoir appelé. Tu repars avec tes deux places pour aller voir La Pièce. C'est le premier film du Watibé. Yes. Merci. Ils ont signé la bande originale. Vous êtes tous convoqués le mercredi 12 octobre prochain à 16h. Toi tu es du côté de la Martinique, donc ça sera à Madiana. Mais oui, synchronisé également avec la Guadeloupe, puisqu'il y aura cette avant-première au Rex. Et puis en Guyane aussi à 16h. Rendez-vous du côté d'Agora. On te file tes deux invitations pour y aller avec la personne de ton choix. Ok. D'accord. On va s'occuper de ton boudin aussi hein. Bah oui, il y a les pop-corn, il y a les boissons et tout. Oh putain, moi j'ai peur les gars. Il est encore un peu tôt pour le sexe confessionnel, Sabri. Ronge ton frein, ronge ton frein. On se retrouve le 12 octobre prochain. Les places sont à gagner où que tu sois, Mada, Guada, Yana, pour l'avant-première du premier film en fait du Watibé. La Pièce débarque sur les grands écrans du ciné. La Pièce, le gros fou rire de la rentrée. En avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Yes, en attendant, dans les prochaines 60 minutes, il y a le dernier jeu de la soirée. Dernière occasion pour vous de repartir avec des cadeaux. Qu'est-ce qu'on va faire, Sabri? On va faire le calcul challenge. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Il y a une petite vidéo qui tourne en ce moment avec des mecs qui tapent en rythme et d'autres qui sont censés répondre à des calculs normalement très simples mais qui se plantent parce que les calculs ne s'enchaînent pas. Alors, par exemple, ça fait 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9, 5 plus 5, 10. Et ensuite, tu changes la donne. Tu lui donnes un petit coup de 7 plus 3. Et là, comme ça revient au même truc, là, tu bugs. Bon, on essaye. On fait un test. Ok. Nessie, victime. Ah non, mais non, mais même sans le tambour, je suis nul. On y va. Donc, 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 3 plus 3. 6. 7 plus 7. 14. 5 plus 5. 10. 9 plus 9. 18. 5 plus 3. 9. 8. Ah non. Ok. En fait, une chose super simple devient super compliquée à partir du moment où tu veux la faire en rythme. Ouais. On essaye ça, Sabri. 7 plus 1. 8. 3 plus 2. Je peux pas faire le rythme en même temps que je fais des propositions, hein, les gars. 3 plus 2. 5. 8 plus 6. 14. 6 plus 6. 12. 8 plus 8. 16. 9 plus 7. 15. 10 plus 14. 24. 9. 9 plus 7, 15. T'es sérieux? C'est 16. Mais Nessie a validé. De toute façon, il faut quand même un peu connaître les réponses pour se rendre compte au moment où on se plante. Je dis ça, je dis rien. Caché. En place, on y va. 2 plus 2. 4. 1 plus 3. 4. 5 plus 4. 9. C'est pas mal. Jusque là, attention, on y va encore un peu. 7 plus 2. 9. 8 plus 1. 9. 10 plus 1. 11. 12 plus 3. 12 plus 3, 15. Et là, t'es pas censé reprendre. T'as pas le droit de reprendre. Et tu réponds tout de suite. On y va, c'est parti. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 2 plus 3. 5. 7 plus 3. 10. 6 plus 5. 11. Ça fonctionne. Ok, on essaye. Allez les lots. En place, en place, en place. Un peu de calcul. Les deux te vont bien dans la bouche, hein, de toute façon. Hein. Oh, on y va. C'est parti. 1, 2, 3. 7 plus 2. 9. 7 plus 2. 9. 3 plus 6. 9. 5 plus 4. 9. Ok, on y va, c'est parti. 11 plus 2. 13. 10 moins 2. Mais non, c'est plus, attends. 8. T'as vu, c'est super simple et pourtant tu te plantes. Ok, on essaye. Hugo. Ah non, j'aime pas les maths. Donc. Allez, c'est parti. On y va. Échec et maths. Vas-y. 1 plus 1. 2. 2 moins 3. 2 moins... Bah, moins 1. Mais le carreau fait une phrase. 5 plus 1. 6. 5 moins 1. 4. 7 plus 3. 2. 3 moins 2. 7. Tu t'es fait larguer, mec. Tu t'es fait larguer. Moi, je suis très mauvais, j'essaye même pas. On teste. Allez, c'est parti. 1 plus 1. Ok, 1 plus 1. Ouais. 1 plus 1. 2 plus 3. 5. 1 plus 3. 4. 2 plus 1. 3. 4 plus 4. 8. 7 plus 7. 14. 8 plus 8. 16. 5 plus 5. 10. 5 plus 7. 5 plus 6. Oh merde! 6 plus 3. En fait, l'erreur, c'est de réfléchir en fait. Mais on n'a même pas encore commencé à intégrer les multiplications. Là, on en est qu'aux additions et aux soustractions. Ok? Tijo, tu veux essayer ou pas? Ah ouais, il a honte. T'as peur d'avoir honte. Tikam, viens, le stagiaire, tu vas souffrir. Prends ton temps, hein. Ok, ok, t'inquiète même pas. Attends, je prends. On y va? Ouais, ouais, mais un rythme calme et tout. Un rythme calme. Un rythme calme. Ouais. Attends, j'essaye un rythme calme. Non, j'ai pas. Alors, on y va. C'est parti sur un rythme moins calme. 1 plus 3. 4. 1 plus 4. 5. 1 plus 7. 8. 1 plus 5. Ah, 5, 6. Ok. Ouais. 7 moins 3. 5, 2, 2, 1. 4. Bon alors, on va mettre une règle dès maintenant, ok? Celui qui gagne ce jeu là ce soir, il a répondu bien à 5 additions, 5 opérations, on fait quoi? 10 opérations? 10 opérations? Ouais. Est-ce que quelqu'un est capable de faire 10 opérations? Si quelqu'un est capable dans le studio de faire 10 opérations, je veux bien valider le coût des 10 opérations. Ouais, mais il faut vous faire 10 opérations. On va dire cool. 5, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Ouais, ouais. On essaye 5. Si tu arrives à valider 5, il suffira simplement que vous en fassiez 5 aussi. Les 5 qu'on vous soumet, vous êtes capable de les résoudre. C'est parti. Tikam. 1 plus 4. 5. 5 plus 1. 6. 3 moins 2. 1. 3 plus 4. 7. 7 moins 7. 0. Ça fait 5. C'est bon. Oh, attends. J'ai des places pour ta... Non. On essaye. Ok. On essaye 6 à la suite. C'est parti. Oh là là. Ok. On y va à sabré. Des trucs cool. 1, 2, 3, 4. 1 plus 1. 1, 2. 2 plus 2. 4. 3 plus 3. 6. 4 plus 4. 8. 5 plus 5. 6. 10. Il en a validé que 5 pour l'instant. Ouais. J'ai eu un doigt dans le nez. Apparemment 5, ça a l'air d'être le score de référence. Essaye avec Sabri, Tikam, t'as le droit de te venger. Ok. On essaye de partir pour le plus grand nombre de séries à la suite. Si les auditeurs nous battent, vous repartez avec les cadeaux. 0820 203 200. Attention. Top. 1 plus 1. 2. 4 plus 5. 9. 5 plus 5. 10. 5 moins 6. 1. Non, 6 mois. Bon, autant pour moi. Non, mais mec, t'es pas bon pour l'intitulé. Ouais, c'est pas faux. Ouais, t'es pas bon. On essaye 6 à la suite ou pas, Sabri? Ok. Tu fais le plus loin que tu peux, ok? Ok. C'est parti. 2 plus 3. 5. 4 plus 5, 9. 10 moins 1, 8, 9. 7 moins 3, 2. On va faire ça, écoutez, ah, les ça. Gars, le premier auditeur qui arrive à 5, ah ouais. Attention, ça deviendra le champion du monde. Et ensuite, il aura le droit de se la péter, ouais. de taper son zizi sur le front de tous les gens, en leur faisant honte en étant hautain, ok. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. On va s'écouter un petit calage avec Néo, hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200. Dans un petit instant, on revient avec du Hey Baby Allo. Je vous rappelle que c'est Kalash au bout du fil, vous nous donnez les numéros de téléphone des gens qui sont fans de Kalash ou totalement l'inverse. On revient également avec les Breaking News dans un instant. On va parler de quoi dans les Breaking News? Alors on va parler de la minute Yohan, on va en parler de Yohan, d'un défi que Dali a lancé. On va parler également du... Vous connaissez le Crontella? Eh ben non, on découvrira. Le Crontella? Peut-être que c'est très bon. C'est fait avec du Nutella. Ouais, et j'en quoi d'autre? On verra de ça tout à l'heure. Pas du tout. #G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200, du Hey Baby Allo débarque. Il y aura du cocoteur également avant la fin de l'émission. Et on cherche toujours le top 5 des choses à faire lorsque il y a plus de courant, qu'on est cloisonné à la maison. Par exemple, parmi les propositions. Parmi les propositions, on a eu regarder un film ou une série, mais ça, c'est le temps que ta batterie survit à la coupure. Ouais, tu peux pas le faire toute la nuit parce que quand il n'y a plus d'électricité, quand tu es en vigilance rouge, par exemple, à moins que tu aies vraiment anticipé le truc et que tu aies rechargé, évidemment, et ton iPhone. Ah putain, surtout pas. Il faut surtout pas oublier de recharger son iPhone. Ah, ça, c'est indispensable. Ou son téléphone, peu importe, mais. Oui. Oh là là. Appeler les secours en cas de besoin. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, les gens qui ont un iPhone sont pas forcément égaux par rapport aux autres, par rapport à la durée de leur batterie. Bah, les autres aussi hein, quand même. On le sollicite beaucoup enfin c'est pas ouais, que l'iPhone. Tu sais déjà que tu vas avoir une moi la vraie coupure. Question c'est quand il y a plus d'électricité, il y a encore du réseau. Oui. Ou il y en a oui. pas. Il peut ne plus en avoir parce que les tours elles peuvent les antennes peuvent, relais. Elles peuvent disjoncter. Et je me pose une question parce que ça fait longtemps effectivement qu'on n'a pas eu de cyclone, mais à l'époque lorsque tu avais besoin de secours, tu téléphonais. À l'heure actuelle, on a tous des téléphones qui fonctionnent avec les modems machin compagnie. T'imagines si tu veux appeler le SAMU et que t'as pas de réseau, en fait, il te reste que le WhatsApp. À 10h30 les gars, si demain personne ne bosse à 10h30, il y a plus de batterie. C'est vrai. Après, en cas d'urgence, tu peux débrancher ta box de la prise téléphone et brancher ton téléphone. Le service télécom est toujours branché. Les gens vont pas savoir faire ça. Bon bah allez mourir. Lâche-moi du son, un petit calage avec Néo. On revient juste après dans la Trace Radio. C'est Tijo Sound derrière les platines. C'est Génération 97 dans les tympans. J'suis tellement vrai que j'ai l'air faux. Maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Ils font des roulés pour les couler sous mon flot. C'est que des mots, c'est que des mots. Mes négros sur sont avec moi, j'emmerde les autres. Comment ça je peux pas poser sur du drop Renoir. Il est pas à ta grand-mère le bendo qui est trop romain. Full steel with the lead, full steel with the lead, my girl. 100%, 100%, 100%. Alright then, the way how you move that body incredible. Me love how you keep it steady too. Yeah, me see all the thing them way you do. Me love how you shed that jelly too, baby girl. And more get with you. You know say me just not this you, baby girl. Call me love how you fit too. Me love it when you ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And we'll be right back.

Attends, mon quatrième, mon quatrième, mon quatrième, mon chier là, et puis sans musique qui cache pendant mon capable de bord. On en reste là, ça oui. Il a pas l'air content le monsieur. On le rappelle, c'est justement le bon moment. On essaye tout à l'heure. On essaye tout à l'heure, bougez pas, hashtag G97, hashtag Trace FM, voici Vibes Cartel. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. J'ai 16 ans. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille. Certifié Trace. Venez danser, bouger, transpirer. Mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre, 16h30, parking McDonald's, Montauban au Gosier. Dress code sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fm. Mercury Beach, hit 2016. La compilation des plus gros hits de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psyche. Chico. Machel Montano. Bungie Carly. Mercury Beach Hit 2016, disponible en digital partout. Avec Caribbean, Rockers Island et Trace. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Puis pour nos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et Doggy Message. Et Doggy Message. Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi. Dispo sur trace.fr. Génération 97, bonsoir. Prends la parole sur Trace FM. On est rejoint par Manon dans Génération 97. Manon a un rêve. Gagner quelque chose une fois dans sa vie. Et cette chose, c'est peut-être ce soir. Peut-être va-t-elle devenir une référence pour le lancement officiel du Calcul Challenge aux Antilles Guyane. Bonsoir Manon. 24 ans, du COS. Est-ce que tu as sur le bout des doigts, dans un coin de ta tête, rangé toutes tes tables d'addition? Tu es doué en calcul mental ou pas? Oui, pareil. Putain les gars, si on a Rain Man au téléphone, on est dans la merde. On a mis la barre super bas pour commencer, parce que c'est quand même le jeu qui nous prouve à tous à quel point on est un peu couillons tous, hein. C'est-à-dire que sans stress, sans situation d'urgence, je pense que n'importe qui est capable de trouver la réponse à ses calculs. On est bien d'accord, tu ne dois pas te tromper 5 fois d'affilée pour valider le score de référence. Manon, es-tu prête? Oui. Tu attends le gong pour t'enclencher. Et nous allons pas le faire avec de la musique derrière, derrière. On va le faire avec une petite rythmique. Tu as une préférence? Zouk, dancehall, coupé décalé, Azento? Peu importe. Salsa? Ouais. Bachata? Salsa, bachata. Putain, comment tu fais de la bachata avec tes doigts? Ah, c'est avec les doigts. Vas-y, fais de la bachata, fais voir, tu sais. J'ai dit avec les doigts, les... Si tu fais de la salsa, ça fait quoi? Ça fait quoi, c'est? C'est pas ça non plus. Le dancehall, c'est facile, c'est. Oui, bah oui. Mais on va garder dancehall. Non, moi j'aime bien l'afrobeat. Qui pose les questions? Moi, Hugo. Allez, c'est parti. On y va. Tu es prête? Moi, Hugo. Moi, Hugo, homme. Venir en paix et détruire la candidate On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Plus 3, oui. 4 plus 4, oui. 5 plus 3, oui. 1 plus 7, j'ai pas entendu. 1 plus 7, oui. 12 plus 5, 17, 2 moins 1, 1. Elle a validé les 5. Non, mais attention, moi, il y a. Moi, le truc de machin, j'ai pas compris. Ouais, moi, je trouve que c'est gagner du temps. C'était sur le quatrième. Admettons que. Et je suis pas d'accord, en fait. Je trouve que c'est naze, en fait, sans la musique. On va le faire avec la musique. Et on va le faire de manière plus speed, plus claire, de manière à ce que ton titre ne soit pas volé. Ok? Tu es prête, Manon? Ok. On fait un tour de table, chacun prépare une opération. On y va. Tu es prête? 5, 4, 3, 5 à la suite, 2, 1, on y va Manon, c'est parti. 4 plus 3, 7, 12 plus 5, 7, 8 plus 9, 17, 9 moins 5, 4, 4 moins 3, 1, 6 et 4, 10, 3 plus 2, 5. 7 et 3. 10. 7 et 4. 11. 7 et 9. 7. Elle en a validé combien? J'en ai compté 8. On est d'accord? Personne n'a compté. Bravo. Bravo. Putain, on a des stagiaires qui. C'est 8 ou pas? Ouais. Bon, ouais. Ok. Tu es donc le nouveau score. Bravo à toi. 8. Maintenant, on cherche quelqu'un qui peut battre Manon. Keshi, tu te sens d'attaque ou pas? On y va. 8, 8. C'est parti. On y va. 2 plus 1. 3. 2 plus 1. 3. 3 plus 2. 5. 7 et 9. 16. 4 et 3. 7. 7 et 2. 9. 5 et 4. 9. 2 et 3. 5. 5 et 3. 8. 5 et 3. 8. 5 et 3. 8. 5 et 3. 8. 2 et 1. 3. 7 moins 9. Moins 3. Moins 2. Bon, il en a validé presque plus, j'ai l'impression. Ouais, on a peut-être été un peu plus cool. Donc ça veut dire que du côté de la team auditeur, pour l'instant, Manon, c'est toi la meilleure. Ouais. Donc d'emblée, ce soir, tu repars avec un cadeau. On va faire un truc très simple. Tant que personne ne te bat, tu repars tous les soirs avec un cadeau. On est d'accord ou pas? Pas l'idée. Ok Manon? Si personne ne te bat, tous les soirs tu repars avec un cadeau. Mais tous les soirs, tu dois remettre ton titre en jeu. Ok? Y compris ce soir. Donc tu as déjà un premier cadeau d'emblée. Pour défier Manon, 0820-203-200, vous attend là, dans la foulée. Hashtag G97, hashtag TraceFM pour débarquer. 0820-203-200, d'ici là, c'est Tijo Sound qui prend la relève derrière les platines. On se démarre avec un petit Vibes Cartel, un petit Fever, et on revient juste après sur TraceFM. Venez challenger la Miss Manon, venez la battre au Calcul Challenge. 0820-203-200, on valide au final combien? Elle? On lui valide 8 déjà. On lui valide 8. Et il y a okay. Rémi qui débarque. Rémi arrive. Vous laissez votre numéro de téléphone, vous nous appelez au standard 0820-203-200. A tout de suite. My love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much, so much, so much things I did not say. I'm from Portmore, that's in J.A. We can do it on that. Backshot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. We a sip the Henny for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops, I done fell for your way, baby. I know, girl, but and I know for the first time I seen your love. You got me, baby. Even though, girl, I know Donc là, obligé wine, gal. Pas prendre la peine, fais scandale. T'as l'air où t'es qu'à parler, actuellement c'est moi qu'à parler. Ou ça serait bien qu'un piqué qui t'est wallé. Mister baby girl, comment tu fais ça? Du lundi au dimanche, tu wine ton gros. Mister, ok. So, me girl, them wine. Avant, il t'a wine. Avant, il t'a. Avec chalet, gars, nous savons très bien où aime ça. De l'air où tout c'est loup qu'abrine ça. Donc, la obligé wine. Avant et tout ça, la obligé wine. Avant et tout ça. Avec chalet, gars, nous savons très bien où aime ça. De l'air où tout c'est loup qu'abrine ça. En bas, quand même pas les divas, la cabrine. Seul là où on vit, mais les autres là, ça va y'en pas qu'abrine. Comme ou ban, c'est pas où y'a que ça m'aille. Pour le moment, soldat, mais la gâte en nous. Pour le moment, soldat, mais la gâte en nous. Ou dis non mou, ou dis nous, ou dis non mou. Mais comme tous les jours, puis j'ai bien le chou. Donc là, obligé, wine. C'est pas moi qui fais bao. Fais vite avant, il est trop tard. Ou dis soldat, mais non, ou mettre comme un carreau. Vas-y, mon vieux, mon vieux, mon On revient dans un petit instant avec le calcul challenge. Vous inscrivez 0820 200 300, tout ça pour battre Manon. On vous attend également dans un petit instant avec le top 5 des choses à faire lorsqu'on est cloîtré à la maison, que ce soit une vigilance rouge par exemple. Comment on occupe le temps? Vous nous faites vos propositions et on les classe dans un top 5 tout à l'heure dans Génération 97. Il y a le sex conf aussi qui arrive. Chaque côté mon passé mon toujours on point. La mobilité comme mon gang est on point. Caribbean girl, I know can run. Big up, big up, all of the woman them big up, big up, all of the Il y a des challengers, hein. Fuche qu'il y a des gens qui se sentent à la hauteur. On a Jérôme qui nous rejoint. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, bonsoir. Tu as 28 ans. Ouais, c'est ça. Manon face à toi, pour l'instant la détentrice du record du monde de chez nous. Combien ? 8 à la suite. Ok. D'accord. Ok. Okay. A tout de suite, prépare-toi champion. On a okay. Également dans un petit instant Rémi qui va nous rejoindre, il a 36 ans. Bonsoir Rémi. Bonsoir. 8 à la suite, c'est ce qu'il faut battre, frangin. Ne bouge pas, ne raccroche pas, il y a également Elsa qui nous rejoint. Elsa peut-être que ça se prononce, je sais pas. Salut Elsa, allô allô. Elle n'est pas encore là. Lamantin Guadeloupe, dans un petit instant, chacun de votre département, le calcul. Challenge, je vais y arriver, le calcul challenge. 0820-203-200 pour vous inscrire. D'ici là, il y aura du cocoteur. On appellera Jean-Claude tout à l'heure. Et puis on revient avec du sexe confessionnal. C'est ça. Alors on va parler de ce que ça déclenche chez vous, l'orgasme en manière... Le bruitage réaction. En fait, tu parles ? Le bruitage, réaction, réaction les différents orgasmes ce soir. C'est ça. Ça sera tout à l'heure dans le sexe confessionnal. D'ici là, on a un top 5. Vous avez fait des propositions. Effectivement, bah, la Martinique et la Guadeloupe se préparent à... Peut-être, si ça se confirme, basculer en vigilance rouge. Ça veut dire quoi ? Rouge, ça veut dire que personne ne sort de chez lui, a priori les commerces sont fermés, les écoles ont déjà annoncé, les crèches, etc., qu'elles ne seraient pas ouvertes demain. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour tuer le temps ? C'est une chose quand ça tombe en pleine journée, c'est une chose quand il n'y a plus d'électricité, c'est une autre chose quand il n'y a plus d'électricité et que ça tombe dans la nuit. Vos propositions, on les a listées, on a gardé les 5 meilleures. Alors celles qui ne sont pas classées parmi les propositions ce soir, qui ne sont pas retenues parmi les propositions. Non retenues, désolé pour ceux qui sont fans de films, séries ou téléréalités, mais quand il n'y a pas d'électricité, concrètement, t'as 3 heures de batterie. Ouais, t'es vachement tributaire en fait de ta batterie. Tu vides ta batterie, en attendant, tu regardes les séries, puis quand c'est fini. Mais on cherche l'occupation en fait qui peut. Enfin, même si c'est plusieurs occupations, on s'en doute bien, on cherche les 5 meilleures. Mais 5... imagine si on a 5 ordinateurs portables. On fait 3 heures sur l'un et 3 par 5. Et puis voilà, on va faire la soirée. Tu as 5 ordinateurs. Sans compter qu'il y a les chargeurs. Le papa, la les chargeurs maman. Nomades aussi. Ouais. Bien sûr. Donc tu peux gagner un petit peu de temps avec les chargeurs nomades. Mm-hmm. Ouais. Ok. Pour regarder deux films. Sauf que ça ne change rien. Tu es recalé, tu n'es pas retenu. Merci D'accord. beaucoup. Quoi d'autre parmi les propositions ? Alors parmi les autres propositions, on a surfé sur le net, mais pareil, encore une fois, pas d'électricité, pas de réseau, pas de wifi. Ah, faut être vraiment couillon là. Alors, moi j'ai une question. La 3G fonctionne-t-elle toujours ? Moi je sais pas, la dernière fois que j'ai vécu un cyclone c'était pendant les grandes vacances, c'était au Belize, sauf que j'avais pas de 3G. Ouais. Mais ils ont coupé le courant à 11h du soir, pendant 2 jours on a eu ni eau ni électricité. J'estime que moi je suis préparé à ce qui va se passer si jamais ça se passe. Hein. Je dis ça, je dis non, rien. Mais ça va se passer puisque tu es revenu. Genre le mec, le mauvais temps le suit, tu sais. C'est ça. Il y a Spilvan qui nous disait justement qu'apparemment il y a 10 heures d'autonomie pour les antennes relais. C'est-à-dire pour les antennes relais, donc tu si as encore la 3G. De courant, t'as en du fait, réseau les pour antennes 10 heures. Durent 10 heures. Ok, donc tu peux encore passer des coups de fil. Le problème, c'est que quand tout le monde pour s'occuper passe des coups de fil, le réseau est saturé. Qui est déjà allé dans un concert ? Quand 3000 personnes sont dans un concert et que tu essayes d'envoyer un snap ou un truc comme ça, ça marche pas. Donc c'est un peu compliqué. C'est pas forcément une occupation. Tu vas gagner peut-être des minutes, tu vas peut-être gagner une heure à tout casser, mais c'est pas celle visiblement qui occupe le plus le temps. Allez, c'est parti pour notre top 5. Donc dans le numéro 5. Numéro 5, alors tu peux vider ton frigo, manger les restes et en profiter pour te gaver de glace. Manger, ça permet de gagner du temps. Effectivement. Sauf qu'il ne faut pas non plus tout décimer parce que si la situation persiste, si les magasins ne réouvrent pas... Si c'est dans le frigo, tu peux y aller. Ça ne va pas résister longtemps dans le frigo. Surtout si dans le congèle, les pots de glace, tu peux t'attaquer au pot de glace. Non mais attends, la déception du pot de glace. Le pot de glace, tu l'ouvres tranquillement, en fait, à l'intérieur. Ouais. La soupe de mamie. Sauf si tu le... sauf si tu le manges en entrée. Ça peut être bizarre. Alors ton menu, on te propose glace, ensuite concombre. Quoique le concombre, ça peut tenir un peu. Donc en fait, manger. On peut faire autre chose avec les le concombre. Manger et en même temps cuisiner, ça peut nous occuper. Pour ceux qui ont du gaz, parce que ceux qui ont la plaque électrique à induction, c'est mort pour vous. Ah, c'est le moment de sortir d'où le matos de camping. Voilà, d'où l'idée de s'équiper d'un réchaud. Classé numéro 4. Alors, on a les jeux de société, un classique en famille, entre amis, en couple. Alors, à la et bougie. Là, tu t'aperçois que t'as plus que des dominos. Les dominos, ouais. En parlant domino, de cartes, jeu de cartes. Le jeu du loup-garou. La bonne paye, machin, etc. Action et vérité, on nous a deviner proposé également dans les jeux. Avec les post-it sur le front, ouais. Je suis un tel, machin. Ouais, à la action lumière. Et vérité, s'il y a tes parents dans la pièce, c'est pas cool. Le loup-garou. Ouais, papa, il nous reste une heure à tuer avant que le soleil ne se lève. On joue action et vérité ou pas, papa? Le loup-garou, c'est bien. Classé numéro 3. Donc toujours avec les bougies, on a le fameux dîner aux chandelles. Ah c'est oui. Une occasion. Ouais, moi je l'aurais classé parmi forcément manger ou cuisiner. Ça permet de gagner du mais temps. Mais non, de parce qu'après tu dévises sur le câlin sous la couette. Ok, donc classé numéro 3, le câlin. Bon, vous êtes clairement désavantagé si vous durez moins de 3 minutes. C'est ça. On fait quoi maintenant? Après vous dormez. Après vous dormez, voilà. C'est tout. Alors moi je suis incapable de dormir, j'ai fait cette expérience. Je suis incapable de dormir pendant les intempéries. C'est trop bien quand il pleut de Alors, dormir. Ça dépend, c'est trop bien quand tu peux garder les fenêtres ouvertes. Parce qu'il fait quand même horriblement chaud quand tu es cloîtré. Quand t'as foutu des plaques de contreplaqué sur tes fenêtres et machin etc. Au bout d'un moment c'est un peu... Il y a des gens que ça angoisse, tu vois. Mais moi c'est l'air qui circule pas, ça me saoule. Et à un moment, j'avoue, je fais partie des imbéciles qui ont envie de sortir, tu vois, pour se divertir et regarder les trucs voler en l'air. Sauf que effectivement c'est particulièrement dangereux. Moi je trouve ça peut être une activité. Tu sors et tu évites les noix de coco. Tu sais que ce les soir, branches, l'étoile. J'ai des copains là sur la Martinique, des potes qui m'ont dit on a foutu la clim à 16 degrés. Et jusqu'à ce qu'ils prennent le courant, la clim est à 16 degrés, les murs sont gelés, machin, etc. En mode chambre froide, en espérant pouvoir dormir dans le frais jusqu'à la fin de la nuit. Classé numéro 2, bien sûr, tu peux toujours prendre la vieille radio de mamie qui fonctionne à pile et écouter Trace FM dessus. Ouais, alors ça c'est vrai que c'est une occupation, parce que mine de rien, t'en reviens à la préhistoire. C'est-à-dire ces anciens trucs sur lesquels on écoute la radio. Avec ouais, le petit ouais, ouais. Bouton, là. Et effectivement te connecter sur un programme qui te permette de patienter. Quoi d'autre? Eh ben en pole position. Pour les plus téméraires, c'est aller en falaise, admirer le spectacle. Non, c'est ou dangereux. Ou une partie de surf. Et c'est vrai que quelque part, ça occupe ta vie en fait de mourir. T'as plus rien à chercher comme activité derrière. Exact. C'est vrai. Bon, c'est pas nous qui l'avons conseillé. Hein. Fais ce que tu veux. Non, c'est un auditeur sur le net. Bah écoute mec, bon surf hein. Non mais il y en a le mec il a commencé à surfer, tu sais, à Ansalabuel, tu sais, le mec il était au moule. Mais on non, l'a retrouvé mais... du côté du Costa Rica. T'as plein de kiteurs qui ont sorti les voiles. Wow, arrête ton délire. Sortir les voiles avant une tempête, peut-être après, pourquoi pas, mais en général après il n'y a pas de vent. Ouais. Mais pendant une tempête, arrête. Mais demain matin, je sais que tous les gars seront là. Oui, les gens vont regarder, scruter, voir si c'est gérable. Les gens qui ont envie de rider, bien sûr. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Vous nous proposez sur le web, 0820-203-200. Il s'appelle Rémi, Jérôme ou encore Elsa. Ils sont respectivement de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Et ce soir, ils défient Manon. Manon, c'est elle. Manon est pour l'instant la détentrice du record anti-Guyane. Le calcul challenge, c'est toi la championne pour l'instant. Vas-tu être déclassée? On ne sait pas. Jérôme est bien chaud. Rémi est très très chaud. Elsa, on n'a pas encore pris la température, mais dans un instant on le saura. D'ici là, c'est DJ Fly et Cécile avec 7 hits. On revient juste après sur Trace Mada Gualayana. Trace FM, we so fly. Trace so fly. Bad girl style. Trace. Yeah. I just the body with me, you better than when I cry for. Trace FM, body that them when I cry for. Yeah. Just the body with me, you better than when I cry for. Body with me, you better just the body with me, Trace. Yeah, baby. Loving when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm a loving when you love, baby. Trace, bust a wine for me, dilly like a bike round the corner. Bump a cock up, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Trace, hold up on my body and Trace, set it. Broke off my back, yeah, Trace, fizz set it. This line I wear no Trace, set it. Hold up on my body, hold up on my body. Love how me set Là c'est pas l'ambada. Il qu'a fait ses femmes l'encassé un yo qu'on pas trahi. M'en peut passer mes agents là pour parler ma peuple là. Bon mais y'en reste pas par mes grands young style. Nous pas qu'à parler trop tu as baigné en dom dom style. Là t'es un X-Men nous bien en son lomba. C'est à la c'est pas des comiques à la American Pie. On n'est pas meilleur dance hall. Pas meilleur dance hall. Pas meilleur dance hall. On n'est pas meilleur dance hall. Pas meilleur dance hall. C'est place là, c'est en laisse à moyen des vies entre les bam bam bam bam les mettre au mal à l'aise, mais la bête qui est tombée tight. Alors pour granger papier, ouais, puis ouais, c'est basse là. Et moi, qu'elle fait au mal, ça tremble, moi la boussole la tremble. Démarrer chez mes assis, ouais, qu'à tremble. Soudain, ils sont ces sacrés tombés, il faut ceux qui anglais. Mi adios comme vital d'un. Il dit, m'la répète dans bras, puis des appels dans jambes. On dit, c'est Mike, la boussole qui batte l'état. La chance, c'est cassé, yeah. Show pata show le mato, show la pampa. Show pata show le mato, show la pampa. Show pata show le mato, show la pampa. Show pata show le mato. La feo, buy Snapchat na. Sinon bagay pou fè, fuck nou fè maintenant. Fè kon si pou vivi te karete winet tan. Potou te pa kite pou restant. Zame, pa goume pou pièce fang. Pa leve pour la jazz, sa ke toune Vietnam. Belle garçon veut parfois se lever, ma mère toujours en mode with a bad man, toujours en mode lieutenant. Buy snapshot now. Everything nice, everything a plan now. Si no bagay pour faire, fuck no fame maintenant. I do say buy snapshot now. All of my Charlie's Angels, all of my Charlie's Angels. Big up this song, big up DJ. Any girl can whine to the song, yeah. Feed them body in a right, feed them body in a right. Any girl now whine to the song, yeah. Feel them body na right, it na right. Girl, you comfortable just like my new coach. First class seat with a different approach. Girl, you know how dirty like a CD pouch. It's Charlie. Girl, come give me the virgin wine, virgin wine. Wine like a virgin, virgin wine. Virgin wine, virgin wine. Act like you're clueless, virgin wine. Leur hymne rendu célèbre par Cécile qui est notre invitée vendredi soir pour la première Genius 7 live Orange avec le forfait Play d'Orange. Vous voulez être dans le studio, hashtag G97, hashtag Trace FM, ou alors vous nous appelez au standard pour rencontrer Cécile vendredi soir. You are the dancer queen when I boss yet. Oh you see Charlie Black, you say you get wet. You see the team unstoppable, you take set. As of today, you are my best bet. Virgin wine avec chacune de nos sorties se fait les mains gardées. Me voient ou veulent l'engranger. K.O. depuis m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches comme un ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Pussy money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Merci d'être avec nous dans Génération 97. On revient dans un instant avec du cocoteur. On appellera Jean-Claude tout à l'heure. Et puis il y aura aussi le calcul challenge qui revient avec Jérôme, Rémi, Elsa. Vous êtes là les gars? Allô, allô? Eh oui. C'est bon? Tout le monde est prêt? 0820 230 200 hashtag G97 hashtag Trace FM. On se prépare, on revient avec vous, attention, challenge. Trace FM. fois par mois, les studios Trace FM de Génération 97 se transforment en Big Scene Live. Trace FM t'offre chaque mois un de tes artistes préférés en showcase ultra privé dans ses studios avec les forfaits Play d'Orange. Ce vendredi 30 septembre, c'est la rentrée de Génération 97 Live. Une édition très spéciale pour accueillir la star jamaïcaine, Cécile. Ce vendredi 30 septembre, entre 19 et 22h, Trace FM reçoit Cécile en showcase exclusif pour toi avec les forfaits Play d'Orange. Plus d'infos, trace.fm. Mercury Beach, hit 2016. La compilation du plus gros hit de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psyche. Chico. Machel Montano. Bungie Garlin. Mercury Beach Hit 2016, disponible en digital partout, avec Caribbean, Rockers Island et Trace. Ton couple est-il fait pour durer? Infini au 97-300. Un mois, un an, 10 ans, une vie? Envoie Infini, INF, INI au 97-300. Nos experts pourront te donner la réponse. Infini au 97-300. Trouve la sérénité et avance. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille. Certifié Trace. Venez danser, bouger, transpirer. Mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre, 16h30, parking McDonald's, Montauban au Gosier. Dress code sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fr. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Merde. 0820 203 200. Bah si, c'est ça. Génération 97. Ta radio va péter un câble. Ladies and gentlemen. Dans un instant. Dans un instant, on va pénétrer dans le sexe confessionnal. N'est-ce pas, Lilou? Exactement. Joliment dit. Donc, on parlera de quoi? Ce soir, on va parler des réactions, des différentes réactions que déclenche l'orgasme. D'ici là, il y aura également un appel au cocoteur. Jean-Claude, le petit cochon. Mais nous avons des challengers. Ils s'appellent Jérôme, Rémi, Elsa, respectivement Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans le désordre probablement. Ils ont 28, 36, 33 ans. Attention, la moyenne d'âge, qui se sent de taille au Calcul Challenge ce soir, est conséquente. Manon est la tenante du titre. Manon, are you ready? Ok. 8 à la suite pour te battre. On est bien d'accord. C'est parti. On commence par qui? Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien pour toi? Oui, tranquille. Tu pratiques le calcul depuis le plus jeune âge? Non, même pas. Tu es notamment, si on s'en rappelle tous, hein, pour ceux qui ont un peu consulté leur classique, Jérôme est le premier à avoir résolu l'équation 86 plus 57 plus X au carré égale 23. Chaud, digue. Chaud, t'as fait quoi comme cursus? T'as fait maths P ou pas? Comment? T'as fait maths P ou pas? Non, non, même pas. Ok, Jérôme, nous allons t'évaluer. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez écouter également Rémi et Elsa. 8 à la suite. 8 calculs réussis, bonne réponse et dans le tempo et dans le timing. La musique, c'est ça. Ok. Ok. Jérôme, Rémi, oui. Elsa, dans le rythme, on y va. On commence par Jérôme. Dans un petit instant. Ok, toujours dans le rythme ta réponse. Toujours dans le rythme ton résultat. Ok. Ça a l'air un petit peu plus compliqué qu'effectivement les petits calculs. Alors on va rester dans les dizaines, hein. On va rester dans les dizaines, on va pas partir dans les 300, dans les 100, machin, etc. On va rester dans les dizaines. On est d'accord? D'accord, ok. Les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Ladies and gentlemen. Qui évalue Jérôme? Je le fais? Yeah. Il faut que tu fasses au moins 8 à la suite pour te sélectionner ce soir. Pas d'hésitation. Un résultat très clair et je veux t'entendre dans le tempo, mec. Ok, ça marche. 3, 2, 2, 3, 2, 1. Bonsoir Jérôme. Comment bonsoir. Ça va? Je te donne le rythme. Merci. On y va okay. dans un petit merci. Instant. Est-ce que okay. t'es prêt? C'est oui. parti. Ok. 1, 2, 3, 4 plus 10. 14. 14 moins 4. 4 plus 10. Il 6 a plus 4. Non mais j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Mais non. Je vais rajouter cette petite règle. Il faut pas qu'on débriefe le truc avant que ce soit terminé, ok? Ok. Jérôme, on va peut-être aux yeux du jury. Pour l'instant, tu es en ballotage, mec. Ah, pour moi, il est viré. Ah ouais. Tu es en ballotage. Le mec, ce sont pas deuxième question, la troisième. J'ai pas compris. Ça dépendra ouais, de Rémi. J'ai pas entendu. Deuxième candidat, Rémi. Rémi, bonsoir. 36 ans. Bonsoir. Attention, je vais tester ton tempo. Ça va bien? Oh. T'as perdu, est-ce Rémi. Que tu m'entends, Rémi? Oui, t'entends. Ok, Rémi. Dans le tempo, est-ce que ça oui. va bien? Ça va bien. Quel âge as-tu? 36 ans. T'es de quelle commune? Ah, il est dans le tempo. On y va, attention. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. 4 plus 10. 14. 14 moins 4. 10. 14 plus 4. 18. Ça fait 14. Ah non, merde, non. 14 plus 4. Non, attends. Mais c'est bon, Yannick est ah, éliminé. Merde, non. Putain, merde, c'est moi qui me suis planté. Putain, il a de la chance, putain. Tiens, vas-y, Sabri, fais-le. Fais-le, j'ai honte de moi. Je quitte la fédération. Je quitte la fédération, je m'en vais. Je suis vexé comme un pou. On y va. 10 plus 4. Je comprends pas, j'ai pas entendu. 10 plus 4. 14. 4 plus 10. 14. 4 moins 10. 4 moins 10. Ouais, 4 moins 10. Moins 6. 14 moins 4. 10. 27 moins 12. 15. 2 plus 7. 9. 8 plus 8. 16. 10 plus 8. 18. 10 moins 8. 1. 2 plus 1. 3. 3 plus 8. Stop. 10 moins 8. 1. 2. Ouais. 2. Oui, mais c'est trop tard, mec. Il en a validé combien? Compte, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 6, 7. Putain non, le 10 moins 8. Oui, mais c'est pas compté. Mais de toute façon, c'est 8 le score à battre. Tiens, on va pas chipoter. Rémi, tu es plus en ballotage désormais que Jérôme qui est vraiment, vraiment recalé. On va dire que Jérôme était peut-être pas concentré. On va le garder quand même sous la main. Elsa, bonsoir. Bonsoir. Qui s'en charge? On y va, on se concentre. On te oui. donne le tempo. Ok. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Tu nous appelles d'où? La Manta. Quel âge as-tu? 33 ans. On se prépare. On y va. On respire, on prépare ses neurones. Let's go! 1, 2, 3, 4. 7 plus 8. 7 plus 8. 12. 8 plus 6. 14. 5 plus 5. 8 plus 6. Oui, 14. 7 plus 5. Oh là là. 12. 7 plus 6. Comment j'ai pas entendu? 7 plus 6. 13. 7 plus 7. 14. 7 plus 8. 15. 7 plus 2. 7 plus 2. 7 plus 2. Fais vite. 6. 7 plus 2, ça fait 8. Mais non, mais j'ai entendu 5 plus 2. Attends, stop. Ça fait 7. Stop. Alors, stop. 7 plus 2 ou 5 plus 2, ça fait pas 6 de toute façon. Oui. It's about that time. J'ai entendu 4 plus 2. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Non, mais il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Alors, elle en a validé combien? Elle en a validé 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah, 6. Tant pis. Écoute, oui. tu tu quittes l'aventure, Elsa. Bon, d'accord. Et si tu es vexée, cette rage, il faut que tu t'en serves. Pour te préparer psychologiquement, pour revenir plus forte. Pour prouver qu'on a fait une erreur. Pour prouver qu'on est peut-être passé à côté du plus grand talent en matière de calcul des Antilles-Guyane. Oui, tout à fait, tout à fait. Travaille dans ton coin, dans ta grotte, dans ta bas de cave. Et reviens-nous plus forte. Prête à montrer que nous avons commis une terrible erreur en te nominant ce soir et en te dégageant de l'aventure. Faites wouh tout le monde. Wouh. Wouh. Ah, quel wouh. Le wouh. Wouh. Ouais, bouh, pas arrêter là. On te fait des bisous, Elsa. Ok, bisous. Pense tes blessures. Ok, petit anorak. Passe le bonsoir à Anna et bon retour à Ragdel. Okay, bon courage, Elsa. Bye. Jérôme a validé combien de bonnes réponses? Sauf que j'avoue que sur la performance de Jérôme, je suis pas certain en fait. Je suis pas certain parce que j'avoue que c'est moi-même qui ai foutu la merde en fait. Est-ce que c'est un repêchage ou pas? Réflexion autour du feu de camp. Alors c'est vrai que... Bon voilà, mais en fait compte... Je suis assez d'accord. Je me dis que on lui a peut-être pas donné toute sa chance. Ouais, mais en même temps. Mais il faut survivre. Par contre. Ouais. Évidemment. Je pense aussi. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas te laisser dire ça. Est-ce qu'on donne une deuxième chance à Jérôme? Oui. Oui, je dis oui. Tu dis oui, Jérôme. C'est ce qu'on appelle un repêchage. Repêchage. Attention, nous allons relancer le chrono et nous allons t'évaluer maintenant. Ok. Jérôme, il n'y aura pas de troisième chance. D'accord. On y va? C'est parti. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce un pari? Oui. On nous allait. 5 plus 7. 14. Non. Bon, c'est mal. Il était mis au repêchage des... Ah. Essayez de repêcher Bourra rouler. C'est mal. Le problème, c'est que je suis en train de me dire que les producteurs de l'émission se sont dit, on peut peut-être faire un sujet de 7 minutes sur lui. Monsieur a duré 12 secondes. Jérôme. Tu es mauvais. Ouais. Non, Jérôme, il faut que tu ailles toi aussi te préparer. Va te fixer des os en adamantium, je ne sais où, et reviens nous plus fort, s'il te plaît, parce que là ce soir, ce n'est pas une grande réussite. Non. Tu es donc Jérôme dans l'aventure du calcul challenge. Racalé. Bouh, pas arrêter là. Bonne chance, à bientôt. Ciao. Okay, pour l'instant, bye. Nous avons donc Rémi face à Manon. Il a passé les épreuves de sélection. Laurence. De quoi? Un peu Laurence, là. C'est qui, Laurence? Brocolini. Brocolini. Yannick Brocoli. Oui, celle que quand tu regardes, tu maigris. Brocolini. Ça fait du bien au corps, les légumes. Jérôme a quitté l'aventure, Elsa aussi. Rémi, tu as un défi ce soir, c'est de nous démonter cette Manon parce qu'on n'aimerait pas. On n'aimerait pas en fait devoir à Manon tous les cadeaux du monde. Tu as une dernière chance face à elle et elle aura une dernière chance face à toi. Celui d'entre vous qui enchaînera le meilleur calcul, la meilleure série en fait de sans faute, restera notre champion de référence. Celui auquel tous les autres se mesureront dans l'aventure Calcul Challenge. On y va? On y va. Qui veut commencer? Manon ou Rémi? Pour une mère aux femmes. Camissier. Hey, celle qui détient le record, hein? On y va pour Manon. On y va pour Manon. Manon, elle a pas peur, elle se laisse pas décontenancer. Manon est déjà concentrée. Ok, dans le tempo, Manon, la championne en titre, celle qu'il faut déclasser. Manon, ça va? Ça va bien. Ok, t'es de Mada? Oui. Ok, on y va? Oui. 8 Le score pourrait être inaccessible, tu peux monter plus loin et quand t'es prête, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! 4 plus 8. 4 plus 9. 17. 4 plus 9. 4 plus 9. 4 plus 9. 4 plus 9. 4 plus 9. 4 plus 9. 4 plus 9. Manon, qu'est-ce que tu nous as fait? Manon, qu'est-ce que tu nous as fait, Manon? Ça a l'air d'être vrai. Ça coupe chez moi. Ça coupe chez toi. Ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air vrai. Mais oui, ça coupe. Manon. Manon, malheureusement, les juges sont très clairs en cas de rupture de réseau. Alinéa 37. Tu nous donnes de l'argent. Non. En cas de coupure du réseau, nous ne pouvons être tenus pour responsables de vos performances. Ok ? Tous les opérateurs de la place ont signé la charte. En cas de rupture de réseau, en aucun cas vous ne pouvez vous retourner vers eux. Manon, la seule chance pour toi de rester à la tête de cette aventure, c'est si Rémi ne fait pas mieux que toi. Nous allons évaluer tout ça. S'il fait mieux que toi, Rémi devient désormais le référent en matière de calcul challenge. On y va. C'est parti. Rémi, en place. Yes. Dans le tempo. Allez, Rémi. Let's go, Rémi. Comment ça va? Ça va bien. On y va. On y va. C'est parti. On tente le tout pour le tout. 5, 4, 3, 2. Tu dois battre 8 absolument. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. 3 plus 8. 11. 11 moins 5. 8. 9 plus 7. 16. 5 plus 15. 20. 21 moins 7. 14. 11 plus 14. 25. 25 moins 13. 25 moins 16. 9. 13. Ah, 25 moins 13, 12. 9 plus 6. 15. 22 moins 8. 14. 7 plus 8. 15. Record battu. Manon, tu quittes l'aventure ce soir. Malheureusement. Oh, désolé. Mais elle a eu son cadeau quand même, Manon. Hein. Rémi, la règle est la même pour toi. Si tu restes imbattu, chaque fois qu'on se mesurera à toi, tu repartiras avec un cadeau. D'accord. Le nouveau record à battre est donc de 10 sans faute d'affilée. Yes. Même si les jurys de la Fédération officielle du Calcul Challenge veulent descendre cette moyenne à 9. À cause du ralenti. Yes. Ah, okay. Donc 9 sera désormais le score à battre. Pour vous inscrire, 0820 203 200. Bravo à toi, mec. Merci, Trafetem. Yes, tu bouges pas, tu raccroches pas. Premier cadeau pour toi, peut-être premier d'une longue série si les gens ne te battent pas. Rendez-vous dès demain soir pour continuer à améliorer ton calcul challenge. Ok? Yes? Bon, ça marche, merci. Bonne soirée, Rémi. Bonsoir. 36 ans. Eh ouais, le mec, il joue au petit jeu là sur la Nintendo DS. Quel âge a votre cerveau? Il est bien frais, hein, quand même, hein. Putain, j'ai pas son âge, mais pourtant, putain, je suis incapable de faire ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le sont? 0820 203 200, qui que ce soit. Les calculs sont super simples. On va rester en dessous de la dizaine, ok? De la dizaine, ça veut dire que ça peut être 20, ok? Ça peut être 30, mais on n'ira pas au-delà. Les calculs peuvent être des opérations, des additions, des soustractions. On n'a pas encore intégré la multiplication, ok? Soustraction ou addition, vous inscrivez 0820 203 200 pour détrôner Rémi. Tout le monde veut sa place. Bonne soirée Rémi, on te rappelle demain soir pour te présenter les nouveaux concurrents, ok? Ça marche, bonne soirée, soyez prudents. Bonne soirée Frangin, ciao ciao. On va se faire une petite session de mix, 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. On va s'écouter un petit VJ Ben, on revient avec le sexe confessionnal, on revient avec l'appel au cocoteur également dans un instant, mais d'ici là, joyeux. VJ Ben, the best. Gotta say I'm beijing for, be beijing for mon frère tout genre. Si nous qu'est-ce pour on life, passons-le tous les jours, tous les jours. Pour baisser un sens, si j'en me veux, tous les jours. Et qui a moins châle viré depuis le départ, qu'a senti moins bien aller tous les jours en vérité, wow. Yalou ke hay la ou ve hay. Ou ba ki ke amwe ve ou met sentiman an otaj. Yalou se yon bel jen fan. An ve pa ou rete sel. An ke fe tout pou se tan mwen. An fwa se la ki rete deye. E nou ke flek fan ou ki pe de moun. E ki a danse an ke ka sentiman bien. Ke pon ale san retou. An nou pati san gade deye. An sa bonjou ke tan mwen. Se re mwen fan pou pa pe a yen. En vérité, on va changer. Rien ni la déesse, on s'en sert là. Il est en bas soleil, en bas la vie. Y'a les bagailles chaudes, les finances en main au biba. Pendant Eden, ce qu'a fait Obia. Nous posez pas l'en mec à Bouekonia. En bas les tchèques, voilà tu m'amuses avec elle. J'suis dans ma bulle, ciel couleur pastel. Ballant bagaille belle, qui a les tout n'est fidèle. Pas vos épices qui en sont. L'on va me réparer, elle. Attirons la mystique, limite surnaturelle. Chaque droit comme une femme tire les ficelles. Avec madame, pas faut les gamer. Faut les gamer. Madame s'est attachée son cabrion. Arrêtez de check ex. Moi ouais, fallait bien que ça se termine. Avec elle, tout est possible. Mais tout ne m'est pas fermé. Solide jusqu'à l'année. Même en temps de zéro, mi vie à nous paie pas dernier. Y'en a. It's all about you and me. Pas qu'à goûter des amis. Y'en nous garder pour des familles. Y'en a. That's why me tell you say girl. En bas les check on a tu mamzelle. Avec elle, j'suis dans ma bulle. Ciel couleur pastel. Aucun bluff ou tout au feeling. Je vis au jour le jour sans savoir ce qui m'arrive. J'avance seul et selon mes envies. Je passe des heures à marcher dans la ville. Je passe mes journées comme si c'était les dernières. Je veux aller à l'aventure, je veux les faire danser. Sans limite, je me fixe aucune barrière. Mon reflet communique et percé. Je sens la lumière se poser sur moi. Il est temps que je vis. Comme si c'était le dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier jour. Tout le bombe au cac qui y'a les places pas à parler. Ne fâchez pas que Milito vérité dans la jeu. Ça t'avonne maman papa pour taper un canapé. Et puis ça cacaré. Bah mais ça passe à parler. Pour m'en démonter y'a m'en pas bouger fait karaté. Pour y'a dominé mon nom bapé non mon kamache. Ça pas quand même rivé qu'on fait ses coyo à moitié. Pour ça n'y a pas qu'il. Si peu de monde kamache. Non ça que et puis vient l'esprit que ça t'a pas vanné. Ça t'a réjoui que y'a les musiques ou pas qu'à passer. Sûr que ça t'a fâché les yeux ouais son monde kakase. Que moun poupé frappé. Bah femme que ça cachate. Incredible. just some tanna. This a girl on the one game one. After that him come fool them. Like if we tell a fight over man, and everybody knows that we a name brand. When me a wine, me give the wicked is slam. So me sorry for the girl them out there when I'm no clam. Titty don't you broke me love, me kiss and me that. Girl pray that it, but how a dish she a hideous. Me put it on a send him home and tell him go pray that. If you know in the regular, come me a one cheer at. Oh, oh, oh, you a hot girl and a fight over. Because them love when we they must be for mad to come and fight over me. From the first time you feel it, hey. Me's a girl, me no fight over man. From a little bit of just some tan. This a girl on the one game one. After that him done fool them, just get the bomber. Like this a girl fight over man. And everybody knows you we are the man. When they are white, they don't need this plan. So we start with any girl, they move away now. Well, watch out now. Ask them who are the king. Me a hotter now. The imposter need to tell. He's better now. They can this me and them. Regretter now. Black a them, black a and them, them dead. Living the future, pussy them fred. No, no, no, no, no, I can make your bread. Kick it today, I know they will be dead. Génération 9-7. Génération 9-7. Le soir, pendant 3 heures. Prends le pouvoir sur Trace FM. DJ Tijo Sound qui ambiançait Trace FM à l'instant. On va passer au sexe confessionnel tout à l'heure avec Lilou. On termine par le cocoteur ce soir. Ouais, je pense. Donc on fait d'abord le sexe conf. On parle des différentes réactions d'orgasme. Voilà, plus précisément les réactions qui sont déclenchées par l'orgasme. Ok, couchez-moi les chinchan. Oli, va dormir là. Les mini justiciers. Et la Zuma Eleven, Oli. Oui, plus. Oli. Angelo la débrouille. Oli. Allez vous coucher les petits. Trace adulte only. Alors, les différentes réactions provoquées par l'orgasme. Voilà, moi par exemple, je suis ce qu'on appelle une griffeuse. Une griffeuse. De me couper les ongles au maximum pour que ce soit moins dérangeant. Donc en fait, ça veut dire qu'au moment où tu as un orgasme en fait, au moment où tu jouis, t'as tendance à planter tes griffes dans le dos de la personne. En fait non, j'agrippe. Ok. Et malheureusement, au bout de mes doigts, il y a mes ongles. Oh oui, j'aime ça. Je le savais. Gollum est avec nous. Gollum oh, Voice. Oh oui. Oh non, me lâche pas, mon précieux. Après, j'ai déjà eu affaire à des grogneurs, mais genre documentaire animalier. Alors, on connaît quelques personnes grâce au reportage de Nessie. Elle nous remontait des informations sur telle personne faisait tel truc, tu vois, par exemple. Il paraît que Nessie a déjà rencontré dans sa vie ce qu'on appelle un hennisseur. Tu sais ce que c'est qu'un hennisseur? Il y a, on voit de qui on parle ou pas? Oui. Il devient quoi? Il a quitté les tables ou pas? Ah, j'ai pas de nom. Il y a des mecs qui font ça. Ouais. Un petit tour de table rapide, Keshi, est-ce que t'es expressif au moment de l'orgasme? Non, je suis plutôt silencieux, mais je suis comme un vibromasseur. Alors donc, les gens qui se pensent... Tu vibres de partout en fait, tu trembles de partout. Ton corps entier. Bien en face du micro s'il te plaît mec. Ça veut dire que concrètement même un mec qui se pense silencieux, en fait il l'est pas vraiment parce qu'il est un peu dans le genre... Au pire des cas, il y a toujours un délit de faciès. C'est-à-dire ? Une tête bizarre. La tête se trahit tu veux dire ? Ah ouais. Toujours. Si le mec n'est pas silencieux, il y a un délit de faciès, c'est comme ça. Mais si t'es comment? Bah moi, c'est plus au niveau des petits gémissements. Vas-y. Et puis je suis allée... Ça ressemble à quoi? Et puis je tremble. Et je peux attends, même... vas-y, refais. Les tremblements, tu veux? Non, pas les tremblements. On dirait une loutre, tu sais, mais spasmophile. On dirait tu qu'elle sais. Fait son sport. Ouais. Quand c'est vraiment non, bien. La tortue. Quand c'est... La tortue en plein quand c'est vraiment bien, je peux avoir une larme à l'œil. Une larme à l'œil, ok. Ouais. Ok, larme plus. Ça, y a plus tremblement. Ok, tu joues comme une tortue. Hugo. Bah moi je suis d'accord avec ce que disait Lilou, en fait je suis plutôt silencieux, mais je pense que sur mon visage ça se voit. Mais tu penses vraiment qu'aucun son ne s'échappe de toi? Ben peut-être le soupir, tu vois ça. Ou alors un petit... Oh lolo. Non, ça c'était sale. Non, il n'y a rien qui s'échappe de toi. Tu du tout, du tout. J'en ai sûr. Bah... Viens, on appelle ton ex. What? Donne-nous le numéro de téléphone. Non, pourquoi? Bah non. Pourquoi? Parce que déjà, je suis pas en bon terme avec la meuf. D'accord. Justement. Elle aura rien à dire. Là il y a une vanne là qui est partie là. Non. Quelle vanne? Il y a une vanne qui est partie là. Il a dit ses parents dorment. Oh, mais elle a des parents. C'est normal qu'elle ait des parents. T'es plutôt du genre comment, toi, Sabri? C'est, tu vois, je m'efforce de toujours faire quelque chose de différent. C'est bah, le mec, c'est une performance artistique, tu sais, genre. Mais à ce moment-là. Alors, ce soir, je fais le corbeau. Mais tu contrôles. Moi, je parle du truc. Moi, je te parle du truc que tu peux pas contrôler. Oui, tu contrôles. C'est pas, malgré hein. toi. Ah non, je contrôle tout, ça va pas. Tu contrôles tout, ah, même à ce niveau-là tout. Mais surtout à ce moment-là. Oh, le mytho. C'est à ce moment-là qu'il faut contrôler, t'es fou. Si tu te laisses aller, tu fais des bruits bizarres et reviens plus jamais. Moi, je pense que j'en ai deux. Je pense que j'ai un mélange de grognements, mais c'est pas un grognement très long. En fait, c'est un... Tu vois, genre de... Comme si t'allais aux toilettes. Non, pas forcément. Quelle horreur. C'est plutôt genre je libère quelque chose, tu sais, genre on j'arrive libère, pas à le refaire là libère, parce que je suis pas concentré, il y a rien qui m'inspire face face à moi. Zougoulgata. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est clair. C'est gentil. Ouais. Non, non, mais... Non, mais merci pour nous, non, mais on a compris. Mais j'espère bien que vous avez compris. Tant mieux, tant mieux. Non, mais c'est un espèce de... Tu vois, genre... On vois, ah, voilà. C'est peut-être plus un... C'est ça le grognement en fait. C'est peut-être plus un... En même temps, si on lui inspire ça, heureusement qu'on t'inspire pas finalement. Ouais, ok. Non mais Nessie, continue je veux dire. C'est ça. Tiens, j'ai ton jingle là, si alors, il y avait le premier. Ça c'est le nouveau jingle de Nessie. Alors il y avait le premier. 2016. Vas-y, refais ta jouissance sur ça. Non, et non, le premier, non, premier. C'est plutôt un... Et le deuxième? Et le deuxième, je pense que c'est un soupir. C'est plus proche de... Tu vois, genre, c'est... Et effectivement, ça se traduit sur mon corps parce qu'effectivement, t'as un soubresaut. Tu vois, t'as un espèce de sursaut qui fait que tu trembles un peu. T'as... Mais je comprends ce que veut dire Sabri quand il dit que tu gères ce moment-là. Parce que t'as pas envie forcément d'être ridicule. Ça veut forcément dire que tu te lâches pas totalement aussi, c'est possible. Mais franchement, tu gères un peu, quoi. Tu gères non. un peu le... Non, des fois, t'as l'impression qu'ils veulent faire des crunchs, tu vois. C'est-à-dire...